As long as I keep dancing. Là ce matin sur Virgin Radio, c'est que vous avez très bon goût, alors restez bien avec nous. Dans un instant, Camille arrive, il y aura Clément, il y aura Laure, il y aura Pauline. Nouvelle semaine de Virgin Tonic qui démarre juste après ça. MAF Assurance présente Parole de Pro. Bonjour, je suis votre conseillère MAF Pro. Vous les pros, vous devez savoir qu'avec l'assurance AutoMAF Pro, si votre véhicule professionnel est immobilisé pendant plus de 2 jours, une garantie compense votre perte de chiffre d'affaires en prévoyant une indemnisation dans la limite du plafond choisi. Voilà, c'est dit. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Option perte financière détaillée dans le contrat AutoPro disponible en agence et sur maf.fr. Électrochoc, Lyon, J-3. Virgin Radio, il est 6h, bon lundi matin, tous plein de courage pour cette nouvelle semaine qui démarre. Et si vous voulez démarrer le Virgin Tonic dans un instant, rendez-vous dès maintenant sur notre page Facebook, notre page Twitter, Virgin Tonic officiel. Camille arrive après l'actu. Pop, rock, intro. De retrouver Camille, l'actu partout en France avec Tristan Sarah. Salut Tristan. Salut Robin, bonjour à tous. Des éclaircies pour débuter la semaine du Pays Basque à l'Alsace avec du soleil sur le sud-est, de la pluie en revanche des Pays de la Loire aux Ardennes en passant par la Bretagne et la région parisienne. Paris où il fera 17 degrés cet après-midi, 20 à Bordeaux et 24 à Marseille. Le trafic ferroviaire devrait reprendre ce matin dans les Pyrénées orientales. Plusieurs trains ont dû être supprimés hier du côté de Perpignan à la suite d'un incendie qui a détruit 120 hectares de maquis, 180 pompiers, 4 canadaires mobilisés. Le feu a été maîtrisé dans la soirée. Près de 7 Français sur 10 restent opposés à la loi travail, mais 54% reconnaissent être mal informés sur le contenu du texte. Le sondage Harris Interactive pour LCP Assemblée Nationale. Le projet de loi est actuellement au Sénat où il sera voté à la fin du mois, avant son retour à l'Assemblée à partir du 5 juillet. Les opposants prévoient 2 nouvelles journées d'action ce jeudi, puis dans 8 jours, le 28 juin. Le Conseil d'État qui se penche aujourd'hui sur Notre-Dame-des-Landes, il va devoir dire si la consultation sur le projet d'aéroport peut se tenir comme prévu dimanche prochain en Loire-Atlantique. 968 000 personnes inscrites sur la liste électorale pourraient être amenées à se prononcer. Les sciences économiques et sociales, la littérature ou encore les mathématiques au programme de cette nouvelle journée d'épreuve du bac général. Vendredi, c'était l'anglais et certains candidats l'ont trouvé très dur. Une pétition est en ligne sur change.org pour tenter de faire modifier le barème de l'épreuve. Elle a déjà reçu quelques 13 000 signatures. Des élections partielles hier en Italie, comme à Paris en 2014, c'est une femme qui s'empare de la mairie de Rome. La capitale italienne a été remportée par une avocate de 37 ans, Virginia Raggi, la candidate populaire liste du mouvement 5 étoiles. Elle avait bâti sa campagne sur la lutte contre la corruption dans cette ville étouffée par une dette de plus de 12 milliards d'euros. Le mouvement 5 étoiles qui décroche aussi la mairie de Turin avec une femme de 31 ans. Et puis après quelques jours de deuil suite au meurtre de la députée Jo Cox, la campagne pour le référendum reprend au Royaume-Uni. Le vote aura lieu jeudi et les deux camps sont à égalité. Des rassemblements ont eu lieu hier soir à Londres, à Paris, Berlin et Rome pour former une chaîne du baiser visant à montrer l'amour entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Électrochoc dans 3 jours à Lyon. 12 000 auditeurs réunis à la halle Tony Garnier pour la 6e édition de la plus grosse soirée électro. Un événement Virgin Radio avec Cassius, Flume, Synapson, The Avener, Quasi Lambiste et plein d'autres. Électrochoc à vivre aussi jeudi soir à partir de 21h sur Virgin Radio. L'Euro de football, match nul 0 partout pour France-Suisse hier soir près de Lille. Les Bleus terminent premiers de leur groupe. L'objectif est atteint, a déclaré Didier Deschamps. Cette première place va permettre à la France de jouer son 8e de finale dimanche à Lyon contre une équipe arrivée arrivée en troisième position du groupe C, D ou E. L'Italie et la Suisse sont aussi qualifiées pour la phase finale, alors que l'Ukraine et la Roumanie sont éliminées. Ce soir, Slovaquie, Angleterre et Russie, Pays de Galles. Enfin, le basket aux États-Unis, Cleveland, sacré champion NBA pour la première fois de son histoire. Les Cavaliers ont remporté la quatrième victoire décisive sur Golden Gate, 93 à 89, lors du match numéro 7. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic, bon réveil! Bonjour à tous, je suis Solène de Paris, nous sommes le lundi 20 juin et je suis ravie parce que je suis en vacances pour un mois, tralala. Et je déclare l'émission officiellement ouverte. Bonjour la France. Bonjour. Salut ma Solène. Salut mon Camille. Un mois de vacances, comment, mais pour quel... Ben moi aussi, je suis ravie de t'entendre, ma belle. Mais pour quel motif, un mois de vacances? Eh ben, je suis prof. Bah parce que j'ai pris tous mes congés auxquels j'avais droit. Ouais. Et puis voilà, un mois. Un mois, mais... Attends, mais un mois. Mais tu bosses dans quoi? Bah, tu vas bien avoir deux mois, toi. Et voilà. Elle est maligne. Tu bosses dans quoi, Solène? Je suis esthéticienne. D'accord, mais un mois, mais ils ont le temps de fermer l'institut, l'ouvrir ailleurs, ouais. Quoi. Oh non, il n'y a personne au mois de juillet, ils sont tous partis en vacances, ils se sont tous déjà fait épiler, on est tranquille. C'est vrai, oui, Ginger est là déjà sur les réseaux Salut. Sociaux. Bah, en même temps, quand tu oublies de prendre tes congés, etc., que tu les cales pas sur l'année, ça te fait un mois à prendre d'un seul coup, parce que sinon, exactement, ils sont obligés de te les payer, donc... Bah, c'est vrai ça, bah, mais ouais. T'as raison, oui Clément. Non, mais si t'as des clients hyper fidèles qui veulent que toi, au bout d'un mois, ils vont avoir des poils. Ah, mais oui. Non, ils sont prévenus avant, ils viennent avant. Hashtag, on lance tout de suite un hashtag, ouais. Hashtag peeling. Pourquoi l'en juillet? Hashtag maillot. Hashtag maillot. Y a Laure qui est là aussi, ça va Laure? Salut, ça va et toi? Ça va super, quoi de neuf? Laure, t'as passé un bon week-end? J'ai passé un super week-end, je suis en train de tuer une plante que ma belle-mère m'a offerte et je cherche une solution. Oh, mais c'est horrible. Elle m'a expliqué comment il fallait l'arroser et tout, c'est un hortensia. Ah, mais tu veux pas, je croyais que tu l'as tué intentionnellement. Ah bah oui. Non, moi j'ai pas du tout la main verte. Elle parle de sa belle-mère. Non, mais du coup, elle m'a expliqué tout bien comment il faut faire et tout, j'ai tout oublié en deux secondes. Moi j'ai appris un truc. Par ma maman, il ne faut pas trop arroser les plantes. Je crois que je l'ai noyé. Eh oui, c'est pas bon non plus. Non. Trop arroser, ça les tue aussi. Je crois que je l'ai noyé. Et il faut faire attention. Tu crois que tu l'as noyé? Ouais. Ouais, merci. Clément, comment tu vas? T'as passé un bon week-end? Très t'as fait quoi? Bon week-end. Bah, j'ai préparé un petit peu les vacances aussi parce que c'est notre dernière semaine. Donc je sais pas si je vais louer mon appart, en louer un, faire des échanges, aller à l'hôtel. C'est quoi le mieux quand tu pars en vacances quelque part? Tu prends quoi? Hôtel? Tu prends l'appart de quelqu'un? Ça dépend où. Bah, ça dépend où. Mais il y a ce truc, c'est vrai. Moi, je l'ai jamais fait, mais il y a le truc d'échanger directement les apparts. Ouais. Tu vas chez quelqu'un et tout ça, comme dans le film Holidays, qui est génial. Avec Cameron Diaz, ouais. Jude Law et tout, il est super. C'était ce film. Et t'échanges de vie en fait pendant un mois, c'est cool. Ouais. Tu laisses la voiture, tout ce que tu veux, Clément. Tu peux laisser tes amis, ta femme, tout ça ou pas? Tu n'as aucun ami, Clément. Ben non, mais pour récupérer ceux des autres. Bah oui, voilà. Bah bien sûr. Ginger, t'as passé un bon week-end? Ouais, super. J'ai beaucoup fait la fête. Alors c'est une espèce de, je sais pas, d'échauffement pour l'été, tu vois, un petit peu. C'est... Mais alors, est-ce que t'as vu un peu ton mec? Combien de temps que t'as pas vu ton mec, Richie? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait un mois. Ouais. Ça sent pas bon là. Ouais. Bah pourquoi? Attends, le week-end, t'as un mec à Toulouse, vous voyez pas, tu préfères faire la fête? Bah justement, en fait, c'est un petit peu un sujet de dispute en ce moment parce que moi je dis, il pourrait monter aussi de temps en temps. Ah, y'a que toi qui descends? Bah ouais, c'est pas cool. Avec Nick Clément. Oui, mais son esthéticienne est partie un mois en vacances. Il va bientôt revenir. Bah non, mais là, vous voyez pas assez, Laure. Je vais pas casser l'ambiance, mais vous connaissez ma théorie sur les relations à distance. C'est quoi? Bah c'est ça, ça ne marche pas. Non, c'est pas vrai. Des fois, c'est simple, je lui ai donné raison 95% du temps, mais quand ça marche, ça veut dire que c'est le bon. Oui, et ça peut marcher quand on est depuis 2-3 ans ensemble, en début de relation, impossible. Enfin, c'est moi, pas simple. Je veux pas être l'oiseau de mauvaise augure. Mais tu l'as trompé déjà? Non, mais non, pas du tout. Oh, mais ça va pas, attends. Tu l'as jamais trompé, Ginger? Non. Et il t'a jamais trompé? Bah, j'espère pas. C'est pas ce qu'il dit du côté de Toulouse. C'est vache, méchant. Merci. Tu prends la peine. À Toulouse, maintenant, ils disent même merci Richie et Michel. Tellement il a donné de bonheur du côté de Toulouse. Je l'appelle, je lui demande si tu veux. Bah, appelle-le, mets-le au parleur. Non. Appelle-le d'ici. Tu veux qu'on l'appelle? On va appeler ton mec. Tu nous laisses l'appeler? Ouais, bah vas-y. Et bah, dans un instant en direct, on appellera le mec de Ginger. Et laissez-moi vous dire, il y aura un interrogatoire poussé. Je ne vais rien laisser passer, on va savoir s'il a trompé Ginger ou pas. Combien de temps que vous n'êtes pas vu? Un mois. Oh là là, ouais. il a dû y aller. Oh là là, bon, je le connais le Richie. Hein. Oui, Laure? Non, moi je crois pas. On verra ça. On verra ça. Tiens, mais vous mais savez quoi va dire en même temps. Bah, on verra. Moi, je peux te dire, je laisserai rien passer. Vous savez quoi? Dites-nous ce que vous en pensez sur Twitter, Facebook. Dites-nous si vous pensez que Richie de Toulouse a trompé Ginger de Virgin Radio. Et si c'est le cas, je peux vous dire, il va passer un sale quart d'heure celui-ci. Calvin Harris va arriver dans un instant. Ma petite Solène, est-ce que je peux te faire des grosses papouilles? Ah oui, plein. Ah, moi, je t'en fais plein aussi. Hein. J'ai envie de te faire plein de bisous, ma chérie. Et passe de belles vacances, vraiment. Merci beaucoup, vous aussi. Vous allez nous manquer. Hein. Mais moi aussi, tu Le matin sans vous. On reviendra l'an prochain, assurez-vous. Mais c'est vrai que voilà, vraiment. Là, c'est notre dernière semaine. On va vraiment faire la fête. On va s'amuser, je peux vous dire, toute la semaine à vos côtés. Et puis surtout, vous continuez de vous inscrire comme vous l'avez fait tout le week-end sur Facebook, puisque gratuitement, en vous inscrivant, on vous rappelle au 3916 et on vous invite pour la grande dernière de l'année. Ce sera à Aix-en-Provence. On organise une immense pool party. Et c'est pas juste l'émission, hein. On passe toute la journée ensemble. On fait une grande fête. Kungs sera notre invité. Tout de suite, on écoute Calvin Harris. Et 6h20, les amis, je paye votre loyer, bien sûr. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Vous avez choisi Virgin Radio, vous avez bien fait. Coup d'envoi, c'est parti. On est là jusqu'à vendredi 9h30. Yes. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Aujourd'hui, le 20 juin, soyez les bienvenus. Et vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage à vous tous qui êtes en train d'ouvrir les yeux. Voilà, il y a aussi des. Ah, bah, il y a encore des bacheliers, ça continue, hein. Ouais. Ça a démarré la semaine dernière et ça continue. On est en pleine période du bac jusqu'à demain. Tiens, justement, je viens de voir une news incroyable sur le site du Figaro. Ouais. Sachez qu'en Chine, si vous trichez au bac, l'équivalent du bac, là-bas, c'est menu B2. Sachez qu'en Chine, vous risquez 7 ans. De prison. Mais de prison. C'est les amis, excessif. Vous trichez, vous prenez 7 ans de prison. Mais c'est over excessif. Nous, je crois que t'as plus le droit de passer un examen national. Mais ça vaut même pour le permis de conduire. Ouais. Donc, quand même, ne le faites pas. Là, vraiment, c'est vraiment une erreur. Mais quand même, 7 ans, c'est énorme. Vous avez déjà triché un contrôle, Clément? Pas au bac, mais j'étais super pote avec le fils du prof d'histoire. Du coup, on était chez lui, on est rentré dans son bureau, on a trouvé les copies, on les a distribuées à la classe et on a eu des bonnes notes. Sauf que tout le monde a eu des bonnes notes. On aurait dû les garder pour nous. Et vous n'êtes pas fait avoir? Au bout d'un moment, quand même. Oh là là, tout le monde à 18, c'est louche quoi. Laure, t'as déjà triché un contrôle? Ah, très peu, parce que moi je suis la première fois que j'ai voulu tricher, en fait ça m'a vacciné de plus jamais le faire. J'avais mis mes antisèches aux toilettes et en fait donc j'étais allée une première fois aux toilettes

C'est ça, pour votre nouveau contrat auto ou moto souscrit avant le 24 juillet 2016. 2 mois gratuits, Miss Maf, vous êtes impayable. Conditions sur maf.fr et dans les agences Maf. Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo, Virgin Radio. Du beau temps ce lundi sur le sud-ouest, la Méditerranée et sur les Alpes. Toujours de la pluie des Charentes aux Ardennes en passant par la Bretagne et les Hauts-de-France. Vous aurez 16 degrés cet après-midi à Lille, Dieppe et Beauvais, 17 à Cherbourg, Paris et Nantes, 18 à Brest, Rennes et Tours, 19 à Limoges, 21 à Strasbourg, Colmar, Bordeaux et Biarritz, 22 pour Nice et pour Chambéry, 24 degrés à Lyon, Valence et Ajaccio, 25 à Marseille, 26 à Perpignan, la maximale 29 pour Montpellier. Un peu plus de soleil pour demain, le retour des orages est attendu pour mercredi. Bon réveil. Virgin Radio. Virgin Radio. Dans Duo Time, il y a Duo pour deux et Time pour le temps. Et oui, avec Duo Time, le temps d'être deux est venu. Appelez le 08 92 05 04 03. Euphonia 34 centimes la minute. Put your hands together. Virgin Radio et Lagardère Sport présentent la soirée Electro Summer. Electro Summer. Le 5 juillet à la Tour Eiffel. Virgin. Star de l'électro. Robin Schulz. Afrojack. Cassius. Nervo. Greg Bott. Bob Sinclair. Kungs. Menace. Réservez vos places maintenant sur virginradio.fr, Réseau Fnac et France Billet. Electro Summer. Le 5 juillet à la Tour Eiffel avec Virgin Radio. En association avec Pure Break, MyTF1 et Direct Matin. Chattez par SMS avec des milliers de connectés. Envoyez libre suivi du numéro de votre département au 62 333. Message fiche 35 centimes par SMS à coût d'envoi service modéré et animé. Virgin Radio TV. Retrouvez sur votre télé tous vos appareils connectés. La playlist. Pop. Rock. Électro. Mon image. Hi, it's Taylor Swift. Salut, c'est Chaka Khan. Bonjour, c'est Stromae. Hey, it's Ed Sheeran. Regardez le clip. Make sure to watch me live on Virgin Radio TV. Retrouvez dès maintenant Virgin Radio TV. Chaîne 142 de votre télé orange. Sur Dailymotion. Et sur virginradio.fr. Virgin Radio. Votre nouvelle chaîne 100% musique. 100% music. C'est Virgin Radio TV. Virgin Radio TV. Rock Electro. Tous les matins à 6h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Panic. Eh oui les amis, c'est chaque matin en direct et en exclu sur Virgin Radio. Votre loyer est à gagner. Si vous êtes propriétaire, c'est votre mensualité de crédit qu'on vous rembourse. 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. Vous remerciez de votre fidélité incroyable depuis 2 ans. Plus d'1 800 000 Français qui se réveillent avec nous à nos côtés chaque matin. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et il est temps de passer donc au premier tirage au sort de la semaine. La semaine dernière, on a offert pour 14 042 euros de loyer. C'est beau. C'est beau quand même. On va essayer de faire encore mieux pour cette dernière semaine de Virgin Tonic. C'est parti. Et rappelez-vous, dans un instant, on appelle le mec de Ginger. Hein. Richie. Richie, qu'elle n'a pas vu depuis un mois, savoir s'il l'a trompé ou pas. Oula. J'ai rien laissé passer. C'est sûr qu'il va nous le dire. Oh là là. Bah oui. Amenez-moi des annuaires. Tapez. Allez. Avec. Allô, bonjour, qui est là? C'est Ronan. Ronan Luce? Eh ben, bien sûr. Tu habites où, Ronan? J'habite dans les Côtes d'Armor. D'accord, et très bien. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis ostéopathe. Oh là, c'est génial. Ouais. Oh, c'est génial. Il fait craquer. Il y a un truc qui est compliqué. Dis-moi si c'est le cas, j'imagine. Hein. C'est des métiers comme ça. Ostéopathe, tu dois pas pouvoir faire un apéro avec des potes sans qu'ils te disent « Ronan, je suis désolé, j'ai un peu mal là. Ouais. Est-ce que tu pourrais me manipuler, non ?» Ça arrive de temps en temps, mais ils sont compréhensibles, ça va. Quand c'est le repos, c'est le repos. Oh non, mais moi j'aurais un pote ostéo, ma vie à me faire masser. Il y a plein de métiers comme ça. Il y a quoi d'autre? Go-go danseuse. S'il te plaît, tu peux danser dans le salon. Coiffeur. Ouais, mais coiffeur, il faut venir avec les outils. Ronan, son talent, il est dans ses doigts, donc il vient en soirée, tu viens avec tes doigts en soirée. Ouais, généralement. Bah, ouais, généralement, t'as tes doigts. Ouais, ça peut servir, ouais. Voilà, t'as besoin de rien d'autre. Moi, j'ai l'ostéo qui me suit, moi, il me raconte que, en fait, on lui demande tellement de faire ça. Mm-hmm. Et du coup, tu sais, les gens, ils sont mal installés, c'est sur une chaise ou quoi. Ouais. Et après, il trouve qu'il est pas très bon et que du coup, il perd des clients, en fait. C'est une cata de faire ça parce qu'il faut. Et voilà. Ça se chauffe à l'avant. Enfin, tu ne manipules pas comme ça quelqu'un. Bah, bien sûr, Laure. Et moi, la cousine de mon chéri, elle est ostéo et je l'invite tout le temps à dîner. Et tu demandes de te manipuler. Ouais, évidemment. Mais c'est pas bien de faire ça. Nico du bureau. Moi, ma cousine est ostéo, je l'embrasse d'ailleurs. Et elle a toujours sa petite table de massage dans son coffre de voiture parce qu'elle sait que chaque fois qu'elle va chez des potes, au moins elle le fait bien. Mais ça l'embête pas? Bah si, effectivement, même le week-end, les repas de famille, genre il y a toujours quelqu'un qui veut se faire manipuler. Bah, bon, ma pote Gogo Danseuse a toujours sa barre dans le coffre de la voiture. Vous croyez quoi? Ronan, mon bichon, quelle est la seule radio qui va te payer ton loyer tout de suite? T'es le premier gagnant de la semaine. Eh ben, c'est Virgin Radio. Eh ben, soyez là. Ostéo dans la Côte d'Armor, dans les Côtes d'Armor, excusez-moi. Ronan, je t'embrasse très fort. Il est de combien ton loyer? Il est de 905. Eh ben, c'est parti. 905, on dirait une Peugeot, mais non, c'est ton loyer, mon poteau. Je t'embrasse très fort. Ah, c'est super, c'est cool. Merci, bisous à tous. Merci à toi. Et je suis un peu bloqué au cervical. Non, mais c'est un enfer, ça, quand t'es ostéo, forcément. Les amis, restez avec nous. Dans un instant, Richie de Toulouse, le mec de Ginger. Combien de temps vous êtes ensemble? À peu près 2-3 mois, en fait. C'est un peu compliqué. Tu pourrais pas te raconter si tu veux, mais c'est un peu compliqué comme histoire. On va tout savoir dans un instant. Richie, en direct sur Virgin Radio. Je veux savoir. Ouais. Si il a trompé Ginger, ça fait un mois qu'ils ne se sont pas vus. Ouais. Je la sens mal embarquée, cette histoire. Je veux tout savoir, vous le savez. Je suis un petit peu interventionniste avec l'équipe. Attention, c'est parti. Jonas Blue, on revient dans un instant. Bon réveil. Hey, this is Jonas Blue for Virgin Radio. Tonic. To anywhere, maybe we'll make a deal. Maybe together we can go somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, I got nothing to prove. You got a fast car. Now I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. So fast enough so we can fly away. We're gonna make a decision. Live tonight, we can die this way. Said his body's too old for working. His body's too young and took like his. Mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and I swear to the suburb. You got a fast car. See you fast enough, she can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or we can die this way. So I'm on road, we're driving your car. The speed so fast, but like I was drunk. Did I say I'll be forced in the arm from my trap around my shoulder? Bon réveil à vous sur Virgin Radio. Merci d'être là, les copains. Et là les amis, on rigole bien depuis ce matin. On a démarré à 6h, on est là, c'est notre dernière semaine de l'année à vos côtés. Et on est très très heureux d'être là. On se marre bien, mais si vous êtes avec nous depuis 6h, on l'a dit, on veut appeler le mec de Ginger en direct, Richie de Toulouse. Combien de temps vous êtes ensemble? 2-3 mois. 2-3 mois, ouais. Et dans les 2-3 mois, ça fait déjà un mois que tu ne l'as pas vu. Ouais. Et alors là, ça me plaît pas. Là je peux vous dire, elle nous a donné le numéro. Il est là avec nous au téléphone. Parce que Ginger, tu nous as certifié que pendant ce mois écoulé, il n'y avait pas eu tromperie, on n'est pas allé voir ailleurs. Ah bah pas du tout. On est sûr de ça? Ah oui, on est sûr. Je connais Ginger, c'est une fille bien. Ginger, je l'ai laissé entre les mains de Richie de Toulouse. Richie de Toulouse, s'il fait du mal à ma Ginger, on va pas être copains. En tout cas, pour l'instant, il la rend heureuse. Hein. Oui. Oui. Est-ce que Richie est au téléphone? Oui, il est là. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, la voix de bagarreur là, hein. Mon Richie, alors, et si vous êtes peut-être nous écoutez pour la première fois, tout est vrai, hein, tu viens de Toulouse, oui, bon, ouais, maintenant ouais. T'es ici à Paris, ouais. Et donc vous avez une petite relation à distance, et tu sors avec Richard, qu'on a surnommé affectueusement Richie. Voilà. Richie, personne de l'équipe ne te connaît. Non. Comment ça se fait? Je vais être très peu à Paris. Eh bien, écoute, il faut que tu montes, parce qu'à un moment donné, il faut montrer patte blanche. Richie, tu sais qu'on t'a donné une des merveilles de cette émission. J'ai dû valider Juju. Pour Laure, elle était depuis longtemps avec, mais quand même, si ça m'avait pas plu, serait fini. Pauline, on n'a pu valider personne pour le moment. Et alors toi, mon Richie, comment ça se fait que tu ne montes jamais voir notre petit Ginger à Paris? Je suis monté une fois, mais comme je passe à 6h du matin, du coup, je ne vous ai pas rencontré. Bon, on déjà, a Richie, t'as un souci de téléphone. C'est typique de mec infidèle, quand tu juste de ne pas capter, de dire, mais je suis en soirée et je te laisse. Richie, quelle est ta situation? Est-ce que tu as une bonne situation? Honnête, oui. Tu fais quoi dans la vie? Informaticien. Informaticien, d'accord. Depuis combien de temps? Oh là, depuis 10 ans. D'accord. Tu as un pavillon? Tu vis en pavillon? Tu vis en appartement? En appartement. Un appartement. Tu as quel âge? 37 ans. Oh ah bah quoi, bah elle a 31. Oui, 30, à 30, pardon. Oh là là, et beau gosse Richie, hein. Ouais. Eh, on a levé une petite pépé là, hein. Hein, mon Richie, oui, Nico du bureau. Comme elle bosse sur les réseaux, qu'il est informaticien, est-ce qu'ils se sont rencontrés virtuellement? Ah, mais ouais, c'est vrai que vous êtes tous les deux en informatique. Comment vous êtes rencontrés, mon Richie? Je vais parler à Tinder. Dis la vérité, hein. Donc alors c'est un site de rencontre bien connu qui rapproche des cousins par exemple. C'est Adopte un mec Tinder. Ouais, tout à fait. Adopte un mec, ouais. Sur, et tu l'as adopté? Bah ouais, mais on s'est adopté il y a 6 ans amicalement en fait. Ouais, bien sûr, Adopte un mec, bien sûr, c'est une relation amicale. Ouais. Ouais, on a couché ensemble en copain, bien sûr. Vous étiez amis avant. Ouais. Vous étiez amis d'avant, d'accord. Ouais. Et Richie, rassure-moi, est-ce que ton compte Adopte un mec est dorénavant fermé? Oh oui, depuis très longtemps. On est sûr de ça? Oui, je suis formel. Richie, t'as 37 ans. T'as la tête sur les épaules, je t'aime bien. Déjà, j'ai un bon feeling avec toi. Je te dis, j'ai un bon feeling. Ça se passe bien tous les deux. Richie, est-ce que devant les Français, remets-moi la musique, t'es peur. Est-ce que devant tous les Français, devant Virgin Radio, et Dieu sait qu'elle est aimée, notre Ginger, est-ce que tu me certifies quand même qu'en un mois que vous n'êtes pas vu, c'est pas simple les relations à distance. Richie, est-ce que tu as été impeccable? Est-ce que tu as été irréprochable, mon Richie? Irréprochable. Ah. On n'est pas un soir tard, envoyer un petit texto à une ex à 1h30 du matin, le fameux « tu dors ». Non, aucun, rien sérieux, beaucoup trop de boulot pour moi. Pour penser à autre chose que Ginger. Clément, personne ne l'avouera comme ça. Il faut faire comme dans Psychologie Magazine. Il faut poser des questions détournées. Si tu es sur la plage, que quelqu'un se noie, que tu dois faire du bouche à bouche, est-ce que tu mettrais la langue? Non. Ah, voilà, là, il est fidèle, c'est bon. C'est bien, mon Richie. C'est bien de pas mettre la langue quand on fait du bouche à bouche. Oui, j'imagine. Richie? Oui. Je vais te dire un truc, je t'aime bien. Et tu l'aimes beaucoup, notre Ginger? Oui. Vous êtes des... Oui. Ah, mais c'est gênant. Bah, ça fait que 3 mois. Oui. Non, je t'ai vraiment emballé maintenant après. Et il faut que tu montes un peu la voir, elle est triste. Alors je sais que vous skypez tout le temps le soir et tout machin, mais il faut que vous voyez plus, hein. Je suis d'accord, mais là après, elle travaille avec vous, hein, donc c'est un mois compliqué pour. Bah, la semaine c'est plus dur, mais le week-end, monte un week-end, tu viens à la maison. Il vous reste plus de week-end, là. Vous avez fini en 4 jours. Bah, après, c'est elle qui descend. Après, elle descend. Et tu prends soin d'elle, hein, mon Richie, hein. Ah, mais j'y vais, oui, complètement. Y a pas une femme cachée quelque part, hein. Mais arrête. Ah, alors, je vis pas seul. Oui. Vous l'avez vu au moment de Noël, il y a une petite dalmatienne, mais c'est juste la seule femme. Ah, t'as un chien? Une petite dalmatienne, ouais. Richie, les gens qui ont des chiens sont des gens bien. Oui. Je vous le dis. C'est je dis pas ça parce que j'en ai un. Ouais. Quoi qu'il arrive, ça veut dire que tu as du cœur. Richie, j'autorise votre relation. Ah, merci. Pour vivre cet amour, ne me déçois pas, Richie, que je retrouve pas ma Ginger en septembre, le cœur brisé, que tu sois parti ailleurs, hein. Ah ouais, non, y a aucun problème. D'accord, et n'oublie pas, elle a la peau blanche, tu lui mets bien de la crème solaire cet été, hein. C'est important, hein. Restez avec nous sur Virgin Radio tout de suite, c'est l'actu, on revient sur Virgin. T'es content de ma Ginger? Bah ouais. Il a l'air bien tombé. Ouais. Ah ouais. Dans un instant, on appelle l'ex-femme de Nico du bureau. On va se calmer. Que de l'amour sur Virgin Radio, bon réveil. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, encore des averses aujourd'hui des Pays de la Loire aux Ardennes en passant par les Hauts-de-France, la région parisienne et la Bretagne. Ce sera plus ensoleillé sur la moitié sud ainsi que sur le nord-est. 17 degrés cet après-midi à Paris, 20 à Bordeaux, 24 à Lyon et Marseille, 29 à Nîmes. La reprise des épreuves du bac ce lundi avec les sciences économiques et sociales, la littérature et les mathématiques. Vendredi, c'était la langue vivante et des lycéens ont eu de grosses difficultés avec l'anglais. Ils ont lancé une pétition sur le site change.org pour obtenir une modification du barème, pétition qui recueille ce matin près de 13 000 signatures. En Algérie, ce sont près de 400 000 candidats qui repassent le bac depuis hier après une fuite de sujets début juin sur Facebook. Des dizaines de personnes, dont des cadres de l'éducation nationale, ont été arrêtées, soupçonnés d'être impliqués dans ces fuites. Pour éviter toute nouvelle tricherie, l'Algérie a décidé de couper carrément l'accès aux réseaux sociaux. Une mère de famille jugée aujourd'hui devant les assises du Pas-de-Calais. Elle est accusée d'avoir assassiné son bébé de 15 mois en 2013. Elle avait déposé l'enfant sur la plage de Berck-sur-Mer, laissant la marée s'en emparer. La fillette avait été retrouvée sans vie le lendemain. La populiste Virginia Raggi portait la tête de la mairie de Rome. À 37 ans, la candidate du mouvement 5 étoiles a triomphement été élue avec plus de 67% des voix. Le mouvement décroche aussi la mairie de Turin avec une autre novice en politique, âgée seulement de 31 ans. L'examen des boîtes noires du vol d'Égypte a débuté en Égypte. Les cartes mémoire ont pu être extraites dans des enregistreurs de vol et de conversations entre les pilotes. Elles ont été séchées dans un centre de l'armée. L'opération a duré 8 heures. Leur analyse permettra peut-être de faire la lumière sur les causes du crash du vol MS-804 le 19 mai dernier entre la Crète et l'Égypte avec 66 personnes à bord, dont 15 Français. Plus que 3 petits jours avant Electrochoc, la 6e édition de la plus grosse soirée électro à Lyon. 12 000 auditeurs se retrouveront jeudi à la halle Tony Garnier pour vivre l'événement avec sur scène Cassius, Flume, The Abner, Sidamson, Casilambiste et plein d'autres. Electrochoc à vivre aussi jeudi soir sur Virgin Radio. L'Euro 2016, la France sauve sa tête, l'essentiel est assuré. Bien que tenu en échec par la Suisse 0 partout, l'équipe de France, déjà qualifiée pour les 8e de finale, a bouclé hier le premier tour de l'Euro 2016 à la première place du groupe A, s'offrant un boulevard jusqu'aux demi-finales, son objectif minimum. Voilà pour l'actu, très bon réveil. Matinée à vous tous qui avez commencé très tôt le travail, je le sais, vous êtes nombreux à démarrer vos nuits de boulot avec le Virgin Tonic. Un grand bonjour aussi à ceux qui sont tout juste en train d'ouvrir les yeux, en train de voilà préparer le petit déj, de passer sous la douche. L'équipe est là évidemment. Oui, oui, yes. Les amis, on est très heureux d'être là comme chaque matin. J'ai même pas encore eu le temps de vous en parler. On a des cadeaux magnifiques, vos places tout frais payés pour venir avec nous à la dernière Aix-en-Provence. Ce sera le Virgin Pool Party. Inscription sur Facebook, on aura des gagnants très vite. On a 300 personnes à inviter. Va falloir s'y mettre. Cette semaine, on vous offre aussi des séjours tout frais payés à Center Park. Oh, bien non? En cottage. Ah, j'adore en cottage là, ouais. Vous près de la rivière enchantée. Là, vous vous détendez tranquillement, vous baignez dans le pédiluve. Là, c'est dingue. On a des packs smartphones et tablettes Arcos. Toute la semaine dernière, on en a offert. On en a encore et ça vous fait très plaisir, je le sais. Édition limitée, équipe de France. Et si vous nous, alors pour tous les jeux et pour nous parler, c'est le 3916 bien sûr pour nous joindre. Et là, dans un instant, on va faire le jeu du post-it. Ah là là, c'est Laure qui est en charge de ça et vous pourrez gagner une PlayStation 4. Waouh. Ok, avec le jeu Uncharted 4. Ouais, yes, ok, génial. Ok, 4. Il y a déjà quand même ça, une vitesse, Uncharted, c'est un truc de dingue. C'est Clément. C'est impensable, mais il paraît qu'il est très bien, Uncharted. Il est sublime. C'est quoi l'histoire du jeu? Alors on m'a raconté, mais moi j'ai jamais joué. C'est un gars qui habite à Chartres. Et en fait, il est Uncharted, il veut partir de Chartres. Il a pas le droit de rentrer dans Chartres. Il a pas le droit de rentrer dans Chartres. Et le défi, c'est de rentrer dans la cathédrale du Chartres. Exactement. Wow. Très beau jeu. C'est bien, non? Ah, ça doit être super, ouais. J'aime bien Laure qui croit vraiment que c'est le jeu. Non, c'est un petit bonhomme. C'est un jeu d'aventure. Voilà. C'est un peu genre Lara Croft, mais avec un gars. Vous savez pas, quoi. Ça. Et encore une fois, je vais me tourner vers la seule qui bosse un peu en amont. Qui va le savoir? Ginger, quelle est l'histoire du jeu? Eh bien, exactement. C'est le fils spirituel, en fait, de Lara Croft. C'est un aventurier. Et le jeu, merci, il est sublime. Ce que je disais, c'est un petit bonhomme qui fait des trucs. Clément, il est tellement vague. C'est un jeu, en fait, où il faut gagner à la fin. Bah non, mais merci, moi, j'aime que les jeux où il y a deux personnes et une vanne. Donc, j'ai pas joué à ça, mais tout le monde m'a dit qu'il était génial. Ouais. Eh bah écoutez, on va vous l'offrir dans un instant sur Virgin Radio 3916. Donc pour nous joindre, le pop rock électro de Zara Larsson qui arrive. Mais avant, on l'attend tous. Le premier réponse à tout de la semaine, c'est parti. Tonic. Réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. Eh oui, le réponse à tout, Clément, même le week-end, descend dans la rue, pose des questions aux enfants qui ne partent pas en pleurant. Oui. Ceux qui veulent bien rester avec lui, c'est parti. Qu'est-ce qu'une grève? La vraie réponse, c'est les enfants qui l'ont.

Alors moi j'habite Arras dans le Pas-de-Calais. Eh bien sûr, Arras qu'on connaît bien dans le Nord. Donc là tu nous as appelé il y a 3 minutes. Le temps de t'inscrire, c'était pas simple de venir te coller un post-it sur la tête. Mm-hmm. Donc en fait on va le tirer au sort ici. C'est Laure qui s'occupe de ça. Ok, attention, on tire au sort. Je compte sur toi alors. Alors. Laure, on y va, attention. Laure te donnera un seul indice, d'accord ? Et ensuite, bah, toute l'équipe pourra répondre par oui ou par non à tes questions. 50 secondes pour découvrir cette star. Laure, montre-nous le billet que tu as tiré au sort. Attention, attention, j'ai vu. Faut le remuer un peu moins, sinon je ne vois pas. D'accord, attention. Laure a tiré un nom sort. Mais ce qui est bien avec Laure, c'est qu'elle bouge tellement la feuille que le seul moyen de lire, c'est d'être sur un power plate et d'inverser la courbe, en fait. Sinon, tu ne peux pas lire ce qui est écrit. Très bien, Clément l'a vu aussi. On y va. Marie, 50 secondes. Quel est l'indice d'abord, Laure ? Alors, l'indice, c'est séparation. Séparation. Ah oui, ça. Très bien. Attention, on y va. Top chrono. Alors, est-ce une femme ? Non. Non, un homme ? Ah oui, par définition. Un acteur ? Oui. Oui. Oui. Français ? Non. Non. Non. Mais il parle américain? Bien français. Il parle très bien français. Américain, ouais. Américain. Est-ce qu'il a des enfants ? Oui. Oui. Beaucoup ? Bon, normal, normal. On est dans du 2-3, quoi. 2-3 ? Je sais pas. Séparation. Séparation. Un acteur américain, donc... Divorcé ? Oui, divorcé, oui. Divorcé, oui. Oui, récemment ? Oui. Assez récemment, oui. Oui, je sais pas. Tu y es. Il était marié avec une Française. Pose des questions. Quel film ? De Johnny Depp. Oui ! On n'est pas passé loin de la correctionnelle. Vous savez quoi ? J'en fais un. On rejoue ? J'en fais un. Ok. Ok. Quoi ? J'ai pas gagné ? Si, t'as gagné, ma chérie. T'as gagné. Mais là, je te fais jouer toi, ma petite Marie. Je te fais jouer toi et toute l'équipe aussi. Vous devez deviner qu'il y a sur mon, qu'il y a dans ma tête, du coup. Hein, oui, t'as besoin de l'écrire sur un post-it. Oui. Okay. Bon, sinon, on va le voir. On continue, c'est le jeu du post-it. Je te donne ton cadeau dans un instant, Marie. Allez-y, vous avez 50 secondes. Okay. Un indice ? Aucun. Oh, aucun, c'est un indice. Alors attends, arrête. C'est vrai qu'il faut un indice. Ouais. Je vous donne un indice. Je vais vous donner un indice. Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice ? J'ai pas d'indice. Ok. Sans c'est indice. C'est si. Parti. C'est quelqu'un de connu. Okay, c'est un homme ? Non. C'est une femme. C'est une femme ? Oui, c'est une comédienne. Femme. Non. Chanteuse ? Non. Française ? Oui. Plus de 40 ans ? Oui. Plus de 60 ans ? Non. Pas chanteuse ? Non. Femme politique ? Actrice ? Non. Non. Présentatrice ? Oui. France 2 ? Non. Jolie ? Oui. Anne-Sophie Lapix ? Non. Alexandre Sublet ? Non. Valérie Benaïm ? Non. Marchand ? Non. Elle est sur TF1 ? Non. Elle est sur D8 ? Non. Elle est sur Canal+ ? Non. Maïté ? M6 ? Non. TNT ? Non. Elle est où alors ? Vite, vite, vite ! Elle présente des infos ? Claire Chazal ? Non. Elle présente du divertissement ? Tu m'as dit quoi, Marie ? D8 ? Non. Elle est sur M6 ? Non. Elle est sur... W9 ? Non. Y a quoi sur France Télé, allez. Non. Sur Arte. Bah quoi ? Elle est à la télé ? Non. Ah. À la radio ? Oui. Ah. Elle est avec nous. Laure, c'était Laure. Oh. Ah non, je me suis pas trouvée. Mais j'ai pas plus de 60 ans. J'ai dit moins de 60 ans. Mais t'as dit trouvé. Plus de 40. Hein ? T'as dit plus de 40. Bah, mais non, j'ai pas plus de 40. Ah, je pensais. Mais non, j'avais pas encore 40. Peu importe, j'ai dit que t'étais jolie aussi. Je te remercie. Et alors, l'âge ne compte pas. Quand on est belle comme toi, alors. Merci. Les années n'ont pas d'impact sur toi. Je te remercie, mon chaton. Marie, je vais t'offrir un beau cadeau. Je t'offre une PlayStation 4 avec le jeu Uncharted. Force est gagnée pour toi. Bravo. Bravo. Amoureux, qui va être content. Eh ben écoute, on est ravis, ma chérie. On te fait plein de gros bisous. Et bisous à tous nos auditeurs du nord de la France, du côté d'Arras, qui nous écoutent nombreux. Tout de suite, on écoute Stardust. Music sounds better with you. Excellent réveil dans le Virgin Tonic.

Les amis, je vous souhaite un excellent réveil lundi 20 juin. Vraiment beaucoup, beaucoup de courage à vous tous qui êtes déjà réveillés, certains depuis bien longtemps. Merci en tout cas de partager cette dernière semaine de Virgin Tonic avec nous. On vous accompagne encore une fois de 6h jusqu'à 9h30 chaque matin avec toute l'équipe, bien oui sûr. Oui. Et sachez, les copains, et dans un instant, il y a l'actu à 7h comme tous les jours. Et juste après, la nouvelle question de ouf. C'est vous allez nous donner plein d'idées pour notre dernière Aix-en-Provence, hein, c'est ça, Clément? Exactement. Donnez-nous vos idées farfelues parce que j'ai envie de placer ce mot. Oui, et alors, je viens de tilter là maintenant, je vous en parle même pas depuis 6 heures. Ça y est, j'en parle depuis des semaines et c'est aujourd'hui, j'oublie de le dire, c'est l'été officiellement aujourd'hui. Ah bon, ça se passe. Mais c'est pas le 21 l'été? Ah ouais. Non. Ah bah tu vois, moi je croyais. Tu croyais mal. Non mais il y a des signes qui montrent que l'été allait arriver de toute façon. C'est toute quoi? Vie, elle prenait du poisson à la cantine, ça sent l'été quand elle prend du poisson. C'est le... Non mais il y a ça, c'est le signe. Il y a ça et les pubs pour les maillots de bain là, les Calzedonia. Elle est jolie. Calzedonia et pain de sucre. Ça nous plaît. Hein. Heureusement qu'au mois de décembre, il y a toujours une petite campagne au bad pour attraper, mais sinon c'est quand même difficile. Hein. On galère l'hiver, oui Clément. Il y a un autre signe qui montre que l'été arrive, c'est quand on met plus qu'un seul t-shirt sous notre kawaii. Voilà, il pleut encore, mais on sent que l'été arrive. C'est ça, il faut un kawaii, mais quand même t'as chaud, t'es en t-shirt. Il y a un autre signe qui montre que l'été arrive. C'est quoi? Oui. Il l'a pas encore fait, c'est quand Clément commence à arriver en Bermuda et sans chaussettes. Ah, je l'ai fait une fois. Parce que Clément met encore, ce qui est interdit, pardon, je sais que vous êtes nombreux à le faire, mais des baskets sans chaussettes, c'est. Des chaussettes basses un peu. Oh là là, les petites soquettes. Elles se voient pas, c'est des soquettes comme Roger Federer. Eh, mais alors, il aime la mode celui-là. Ouais. Laure. Quand les boulangers ils sortent les stands de glace, là, tu sais que c'est l'été. Ouais. J'adore. Tu peux passer pour une petite glace au passage. Oh là là là là. Ou le petit frigo, même devant les épiciers, ouais, là. Il y a toujours un petit Mister Freeze à croquer, là. On est content à 9 euros. 9 euros, Mister Freeze. T'es toujours content, mais tu t'en fous du prix. Tu vois ce Mister Freeze quand t'en as envie, tu réfléchis plus à rien. Ça me fait cher pour de l'eau quand même. Hein. Ouais, c'est ma passion, le Mister Freeze. Hein. Attention. Les amis, tiens, mais il y a plein de monde au standard. On va vous demander qu'est-ce qui, pour vous, vous montre que c'est bientôt l'été. Bonjour Mélanie. Salut Camille. Salut tout le monde. Mélanie, c'est l'été aujourd'hui. Ça y est, c'est la fête. Dans nos têtes. On est très heureux. Est-ce que toi, il y a un signe qui te montre que ça y est, c'est officiellement l'été? Ouais, c'est quand tu mets la couette au placard et qu'il laisse la place au drap. Mmh. Et comme ça, t'as l'impression de rien avoir sur toi. C'est super génial. Ah, et toutes les fameuses affaires que tu laisses dans la cave. Ouais. Elle est contente, là, on dirait que c'est un bon moment. C'est un super moment. Moi, j'ai sorti la couette d'été, j'adore. Ah, moi, j'ai la même couette tout le temps, Clément. C'est ce que j'allais dire, moi, je suis couette à l'année. Mais mes tenues changent, mais je suis couette à l'année, quoi. Ah, moi, je suis pareil. Ah, ouais, franchement. Ah non, parce que moi, j'ai besoin d'avoir du poids. Couette l'hiver, pas trop chaud. L'été, c'est mieux. Bah, je sais, non, mais c'est bien. Mais moi, c'est vrai que, elle est tellement confortable. Je peux pas, même si j'ai chaud, il me faut ma couette. Il y a des gens qui arrivent, je sais pas si c'est ton cas, Mélanie, qui arrivent à dormir avec un seul drap. Ouais. Tu sais, ils disent juste, l'été, non, je mets qu'un drap. Mais moi, c'est pas possible. Non. Il est où le confort? Il est où le confort? Il fait chaud aussi. Ah ouais, non, je peux pas. Non, mais je peux mettre des ventilos, je peux mettre tout, mais il faut que j'ai ma couette. Je suis d'accord. Ouais, franchement. Qu'est-ce qui te montre que c'est bientôt l'été? Tiens, Ginger. Moi, c'est Ginger, déjà, on sait que c'est l'été parce qu'elle a un peu éclairci. Elle est passée du châtaigne à l'auburn. On sent que c'est l'été. C'est quand je commence ma petite cure de Eunobiol solaire. Le désintox. Je sais que je vais picoler pendant 2 mois. Donc. C'est vrai que je fume du crack toute l'année. L'été, j'essaie de calmer un peu. C'est le moment où je me remets sur les rails, quoi. Non, Eunobiol solaire, tu sais, pour préparer ma peau, parce que moi je brûle au soleil, donc avec Eunobiol tout va mieux. Ah oui, Clément et toi, c'est vrai, vous avez des peaux très blanches, c'est le soleil, il faut que vous fassiez attention. Et moi, je suis tout rouge la première journée et après je dors. Enfin, je dors, ma peau est dorée. Ah ouais, je dors pas vraiment. Après, je fais une insolation et je suis 4 jours à l'hôpital. Et voilà. Un jour, il m'est arrivé un truc, on est parti avec ma chérie au soleil. Et vous savez, sur les plages, souvent, ils font, vous savez, les stands de tresses. Ouais. Pour avoir un peu la coupe de Sean Paul et tout. Et donc, ils font les stands de tresses. Ouais. Et un jour, il y a une jeune fille qui arrive sur la même plage que nous et qui se fait faire les tresses en arrivant et tout. Mais sauf qu'en fait, le crâne, il est protégé par les cheveux. Et que tout d'un coup, elle a passé son après-midi normal. Elle s'est mis de la crème et tout, mais elle a pas pensé à s'en mettre sur le crâne. C'est les pompiers qui sont venus. Tout va bien, mais les pompiers sont venus la chercher. Elle a fait une insolation. Mais c'est vomitif. Quand on a pris un coup de soleil. Et elle sait, mais sur la plage, en fait, elle a pris un coup de soleil sur le crâne. Attention avec les tresses africaines. Ah, parce que ma fille, elle en a fait des tresses. Non, mais j'alerte surtout, je sais que Sean Paul nous écoute tous les matins. Fais attention, mon Sean. Hein. Tu mets de la crème solaire sur le crâne, hein, Clément. Moi, j'étais en vacances, il y a une fille qui a fait ça. Et il y avait une excursion, je crois, à 14h. Et du coup, elle n'a pas eu le temps de finir. Et comme elle avait payé l'excursion, elle est partie. Et elle avait qu'un côté de. C'était magnifique. C'était génial. Pendant une journée, t'as qu'une moitié. T'as qu'un côté. Bah ouais, c'est la galère. Vincent, est-ce qu'il y a un signe qui te montre que c'est déjà l'été, toi? Salut, mon poteau. Bonjour, Camille. Bonjour, équipe. Bonjour. Salut. Et moi, mon, le film qui me montre que c'est l'été, c'est quand je fais les petits apéros sur mon balcon et que c'est que vers 21h30 seulement que je commence à sentir un petit peu la brise et que je mets une petite laine. Ah ouais, c'est avant génial. Ça, c'est t-shirt manche courte, voir Marcel. Et c'est... Il y a un autre truc qui montre que c'est l'été. Oui. C'est que les mecs, on commence tous à se montrer nos avant-bras pour voir lequel est le plus bronzé. Tu sais, on approche. C'est qui? Ouais, c'est bon. Ouais, je prends le soleil. C'est vrai. Et les mecs, on assume jamais d'être bronzé. Tu sais, on dit toujours non, mais je me rends pas compte. Je vais prendre le soleil comme ça alors qu'on passe le week-end à essayer de bronzer. Oui, Nico du bureau. Je vous mets une petite angoisse sur les soirées d'été. Ouais. C'est-à-dire que demain on est le 21 juin et demain c'est le jour le plus long de l'année. Ouais. Et après les jours commencent à raccourcir. C'est horrible, je trouve. Je vais te dire un truc, Nico. Avec toi, c'est tous les jours qui sont longs. Même ils durent très longtemps, c'est pas pareil. Mélanie, Vincent, je vous embrasse très très fort. Et avec toute l'équipe, on est là jusqu'à 9h30. Les amis, ne bougez pas. Imani, don't be so shy. Comme ça, sois pas farouche. Hein. C'est ça la traduction. Restez avec nous. Un point sur l'actu. On revient tout de suite. La question de ouf aussi. On est en kiff total de se réveiller avec vous chaque matin. Électrochoc, Lyon, J-3. Pop, rock, électro. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, des éclaircies pour débuter la semaine du Pays Basque à l'Alsace avec du soleil sur le sud-est, de la pluie en revanche des Pays de la Loire aux Ardennes en passant par la Bretagne et la région parisienne. Paris où il fera 17 degrés cet après-midi, vous aurez 20 à Bordeaux, 24 à Marseille. Le trafic ferroviaire doit reprendre ce matin dans les Pyrénées-Orientales. Plusieurs trains ont dû être supprimés hier du côté de Perpignan à la suite d'un incendie qui a détruit 120 hectares de maquis, 180 pompiers, 4 canadaires mobilisés. Le feu a été maîtrisé dans la soirée. Près de 7 Français sur 10 restent opposés à la loi travail, mais 54% reconnaissent être mal informés sur le contenu du texte. Un sondage Harris Interactive pour LCP Assemblée Nationale. Le projet de loi est actuellement au Sénat, où il sera voté avant la fin du mois, avant son retour à l'Assemblée à partir du 5 juillet. Les opposants prévoient deux nouvelles journées d'action ce jeudi, puis dans 8 jours, le 28 juin. Le Conseil d'État se penche aujourd'hui sur Notre-Dame-des-Landes. Il va devoir dire si la consultation sur le projet d'aéroport peut se tenir dimanche prochain en Loire-Atlantique. 968 000 personnes inscrites sur les listes électorales pourraient être amenées à se prononcer. Les sciences économiques et sociales, la littérature ou encore les maths au programme de cette nouvelle journée d'épreuve du bac général. Vendredi, c'était l'anglais et certains candidats l'ont trouvé très dur. Une pétition est en ligne sur change.org pour tenter de faire modifier le barème de l'épreuve. Elle a déjà reçu quelques 13 000 signatures. Des élections partielles hier en Italie, comme à Paris en 2014. C'est une femme qui s'empare de la mairie de Rome. La capitale italienne a été remportée par une avocate de 37 ans, Virginia Raggi, la candidate populiste du mouvement 5 étoiles. Elle avait bâti sa campagne sur la lutte contre la corruption. Le mouvement 5 étoiles qui décroche aussi la mairie de Turin avec une jeune femme âgée d'à peine 31 ans. Et puis après quelques jours de deuil suite au meurtre de la députée Jo Cox, la campagne pour le référendum reprend au Royaume-Uni. Le vote aura lieu jeudi. Les deux camps sont à égalité. Des rassemblements ont eu lieu hier soir à Londres, à Paris, pour former une chaîne du baiser visant à montrer l'amour entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Électrochoc dans 3 jours à Lyon. 12 000 auditeurs réunis à la halle Tony Garnier pour la 6e édition de la plus grosse soirée électro, un événement Virgin Radio avec Cassius, Flume, Synapson ou encore The Avener. Électrochoc à vivre aussi jeudi soir sur Virgin Radio. Puis l'Euro de football, match nul 0 partout pour France-Suisse. Et hier soir près de Lille, les Bleus terminent premier de leur groupe. L'objectif est atteint, a déclaré Didier Deschamps. Voilà pour l'actu tout de suite, c'est Virgin Tonic. Bon réveil. Bienvenue les amis, lundi 20 juin aujourd'hui, 20 juin. Ah oui, 20 juin, oui, c'est ça. Lundi 20 juin aujourd'hui, merci d'être avec nous les amis, dernière semaine de Virgin Tonic avant les vacances. On a envie de faire la fête avec vous, on a envie de faire plein de trucs, on a des cadeaux magnifiques à vous offrir toute la semaine bien sûr. On a votre loyer à gagner, c'est à 7h20, loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. On veut un gagnant, on veut que des gagnants cette semaine, vraiment n'hésitez pas, tentez votre chance, décrochez bien votre téléphone dans 15 minutes pour vous inscrire, loyer au 7 12 13, l'équipe au complet bien sûr. Oui, oh là là là là là là. Vous êtes prêts pour Aix-en-Provence? Ouais. Ça sera la dernière énorme pour le parti. On invite plus de 300 personnes à venir avec nous de toute la France. Il y aura Koums, notre invité. Ta-da-na-na-na. Numéro 1 dans le monde entier avec son morceau This Girl. Voilà, on va s'éclater les amis. Hein. Soit ouais. l'élastique, j'ai encore plein de surprises que je vais vous révéler tout au long de la semaine. Faut absolument que vous soyez avec nous. On est comme des dingues. J'ai une info la plus importante du matin, comme tous les matins. Alors celle-là, je suis obligé de la faire. Parce qu'elle est bien, mais alors Laure, elle me tanne avec cette info. Depuis 10 jours. Ça fait 10 jours que tout. Mais on n'a pas fait sur ça, on n'a pas fait. Faut en parler, c'est incroyable ce truc, faut en parler. Donc on va le faire dans un instant. Le temps de vous rappeler que juste après, il y aura la question de ouf et le pop rock électro de Imani, Don't Be So Shy. C'est parti. La news la plus importante, c'est Laure qui va la faire ce matin. Oh, super. C'est parti, on y va. La news la plus importante du matin. Alors, c'est la plus importante du mois de juin maintenant. Alors, depuis le 1er juin, on est là en service continu de cette info. De l'année quand même, hein, moi je dirais. Donc c'est une société américaine qui vient d'inventer un objet qui va changer notre vie à tous, mais surtout la mienne. Eh bien merci, c'est intéressant. Ça s'appelle Foldimat. En fait, c'est comme une sorte... Oui. Moi je sais, mais peut-être l'équipe va deviner. Allez. Un objet pour le quotidien. Oui. Ah ben je voulais l'inventer, je sais ce que c'est, un sèche-personne. Tu sors de la douche, comme un sèche-linge, tu te mets dedans et t'es sec direct. Ah non, mais comme vous savez, maintenant dans les toilettes des restos et tout, il y a ce truc génial, tu mets les mains, ça fait... Ouais, oui. Dyson, mais là, tu mets tout le corps. Non, et là, oui, ça. Mais c'est ça, mais ça serait super. Ah, j'allais dire, si tu peux avoir ça avec tout le corps, c'est top. C'est pas ça. Bah, ou ça s'appelle un truc pour, tu sais, quand tu laves les voitures là avec le rouleau. Bah, à la fin, il y a ça, il y a les énormes ventilos. Ouais. Pauline, t'as une idée? Bah, moi, je le sais, elle m'en parle tous les jours. C'est vrai. C'est-à-dire qu'elle m'a envoyé des MMS de cette chose. Donc, Alors, Laure, est-ce que tu peux expliquer aux gens ce qu'est cette machine révolutionnaire? Bah, en fait, c'est une machine où tu accroches sur deux petites pinces chacun de tes t-shirts, de tes chemises, de tes trucs à repasser. Et hop, le linge rentre dans la machine et ressort. Plié, repassé, ça sent bon. J'ai commandé la mienne, moi, personnellement. Mais c'est gros comment? C'est gros quand même, c'est plus gros qu'une machine à laver. C'est plus gros qu'un pressing, donc. Non, je dirais entre la machine à laver et le frigo. Mais bon, Mais en combien de temps? En combien de temps? Alors, j'ai pas l'info du temps, mais à la limite, ça m'est complètement égal. Il peut mettre 2 jours pour repasser et plier, du moment que c'est pas moi qui le fais. Je vais t'apprendre un truc, Laure, peut-être, mais faut que tu bosses tes infos. Ah, c'est pas assez précis. C'est pas précis. Ouais. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont en fait, ils ont pas terminé. C'est pas encore en vente, c'est en précommande. Donc, il y a pas encore toutes les infos. Donc, tu peux mettre, pour tous les gens, parce qu'au-delà de la blague, c'est quand même incroyable. C'est génial. Si tu places ça chez toi, tu mets ton linge un par un et ça sort plié tout. Oui, monsieur. Et ça sent bon. Nico du bureau. Je suis sûr que ça se plie pas correctement. Ouais. Forcément, tous les vêtements sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes tailles, on n'a pas les mêmes. Ça peut être une chemise, une robe. Forcément, il y a un pliage qui va pas aller. D'accord. Ouais, je vais quand même un peu rejoindre Laure. Excuse-moi, on arrive quand même à envoyer des petites voitures qui roulent sur Mars. Je pense qu'on doit arriver à analyser la taille d'une chemise pour la plier correctement. Ouais, je pense que la technologie d'aujourd'hui nous permet de le faire. Il y a un truc qui est bien, ça, c'est les mannequins. Tu mets la chemise sur un mannequin gonflable. Ouais, bah, on aimerait tous avec un mannequin qui. Le truc qui est bien, c'est tu sors avec un mannequin, puis elle te repasse ton linge. Ah ouais, Nico, c'est super, non, pour moi. C'est un peu utopique. C'est pas notre vie, quoi. Le truc est super, si, tu sais, tu prends genre une fille qui est super mignonne dans un clip, puis tu lui demandes de te faire ton linge le matin, puis tu sors avec. Ça aide, ouais. Oui, Pauline, au standard. Mais on va tous aller chez Laure avec notre linge et on va le faire chez Laure. C'est magnifique. Mais c'est merveilleux. Vous allez acheter la machine, sinon. On est mieux chez toi. C'est bon. Et vous pourrez venir le faire sécher dans mon sèche-personne. Ah oui. Évidemment. Bien, non. On trouve un autre nom. Sèche personne, ça fait un peu monte personne. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Ça sèche les personnes. Comment tu vas appeler ça? Je sais pas. On doit pouvoir. Le brocheur. Un sèche-corps. Un brocheur. Non. Brocheur. On avait ça au film d'horreur. On est une entreprise française, monsieur. On va trouver. On va bosser. On va trouver. 7h08, les copains. On se fait tout de suite la question de ouf, bien sûr. La question de ouf. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux comment vous avez trouvé la news de Laure. Si elle vous plaît plus que les miennes, elle la fera tous les matins. Je m'incline face à vous. C'est parti, question de ouf. Vous avez laissé vos messages tout le week-end sur notre répondeur. Et on vous a demandé, en petit avant-goût de la pool party, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse d'exceptionnel vendredi? Alors moi, pour la vision pool party, je vois bien 2 personnes dans la piscine, sur des matelas gonflables, en train de s'affronter avec des frites géantes. Ce serait complètement ouf. Il faudrait faire un tour de pole dance et que Clément essaye surtout. Ce sera le plus marrant. Alors moi, je vous verrais bien faire sur la piscine une course en bulles gonflables. C'est-à-dire qu'il y a des bulles en plastique, on peut se mettre dedans et puis on court, elle saute sur l'eau. Il faudrait faire une pêche au canard dans la piscine, mais avec des vrais canards. Il faudrait faire un quiz sur un taureau mécanique. Pour la pool party, il faudrait chanter du aqua sous l'eau. Genre, I'm a baby girl in a baby world. Mais vous pourriez chanter des chansons de Michel Poulnareff? Moi, je propose que Clément, parce que c'est le plus adéquat, saute dans la piscine en tenue de ski intégrale. Que Camille arrive en hélicoptère, que vous fassiez gagner la 1000 à la fin de l'émission, que vous vendiez Pauline sur le bon coin, que vous fassiez l'émission en québécois ou en italien, je sais pas pourquoi, mais ça me ferait marrer. Enfin bref, faites des trucs fous, faites des trucs fous! Question de ouf! Et merci pour toutes vos idées, les amis. Alors, l'hélico et tout, ça reste Virgin Radio. Ouais, ouais, ouais. On va faire des trucs fous, mais bon, qui rentrent dans le budget, quoi. Téléguidé, éventuellement. Téléguidé, on peut essayer de faire un truc. Et en revanche, qui que ce soit, l'auditeur qui se reconnaît là, dans sa, qui a reconnu sa voix, Poulnareff, je le veux avec Noël. Toi, tu viens avec nous, Alex, avec la personne de ton choix. Hein. 7h10, Imani, Don't Be So Shy, excellent réveil. Dernière semaine du Virgin Tonic, on vous accompagne chaque matin, 6h, 9h30. Tonic. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my skin, I'm in command. Can you feel my heat in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. And my heart just raced so much faster. I dumped myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Bon réveil à vous tous sur Virgin Radio, 7h13. J'espère que tout va bien pour vous. Lundi 20 juin à 7h06, je sais, hein, plein de monde qui ouvre les yeux, d'autres qui sont déjà sur la route et déjà même au travail depuis un bon moment. On pense très fort à vous. Merci de nous choisir chaque matin. Ce week-end, vous y avez pensé, c'était la fête des pères. Bien sûr. Fête des pères. On n'a qu'un papa dans l'équipe, c'est Nico du bureau. Moi, j'ai appelé mon père pour lui souhaiter la fête des pères. C'est bien. J'ai eu 11h. Il dit papa, bonne fête et tout. Ah ouais, c'est la fête des pères, c'est cool tout ça. Bah, je te rappelle ce soir, j'ai un truc à te dire. Bon, j'attends encore le rappel. Il en a. Rien à faire. Mais non, mais c'est une vanne de papa. Je te rappelle et je rappelle pas. Mais oui. Ah, tu crois? Non. Oui, les mamans, elles font pas ça. C'est une vanne de papa. Non, mais les mamans, c'est la fête des mères, c'est très important. Ouais, c'est vrai. C'est quel est le premier des enfants qui va appeler et tout. Ouais. C'est très important. C'est passé comment ta fête des pères, toi, Nico? Ah, super bien. Mais moi, elle a 3 ans et donc elle a fait déjà. Elle t'aime encore. Elle a fait un petit porte-clés tout mignon et puis elle m'a fait un poème surtout. C'est tellement beau. Ouais. C'est discret quoi. Ouais, ouais, c'est. Bah, attends, c'est joli. Ah, ouais, moi je trouve ça beau. Hein. C'est une petite main avec plein de couleurs sur les doigts et tout. Et avec le petit prénom en bas, Lila. Sauf que oui. C'est une vraie main d'enfant avec les. Non, ce qui est génial, c'est très joli. Elle sait pas encore lire. Et par contre, elle a fait une petite carte avec le poème et elle te fait le poème par cœur. Elle le connaît par cœur. C'est génial ça. Alors vas-y, c'est quoi le poème? Alors c'est. Aujourd'hui, c'est une fête un peu spéciale. La fête des mères? Non. La fête des rois? Oui. Mais lequel? Le roi de mon cœur, c'est mon papa. Bonne fête, papa. Ah, c'est trop mignon. D'une mignonnerie absolue. C'est tellement mignon. Oh, ouais. Mais dans ma bouche, c'est un peu moins mignon. Quand même. Ouais. Beaucoup plus angoissant. Ouais. Très joli. Qu'est-ce qu'il y a eu pour la fête des pères, Juju? Je rappelle, vous êtes une famille recomposée, une famille moderne. Ouais. On appelle ça la famille de 2016, quoi. Absolument, Camille. Écoute, il a eu un espèce de petit pot de yaourt vide avec marqué dessus. J'ai tout mangé. Non. Avec écrit dessus I love you. Et en fait, dans cette petite boîte, il y a plein de petits papiers. Il doit en ouvrir un par jour. Et sur chaque petit papier, il y a un petit mot d'amour. Oh. Tu es mon héros, tu es un génie, tu es superbe. Sur combien de temps? Moi, je les ai tous lus. 4 ans. Non, je dirais un mois, deux mois. Après, tu peux les remettre dedans. Et si t'as Alzheimer, oui, tu peux les remettre chaque jour, redécouvrir le même mot. Tu peux être qu'un mot à ce moment-là même. Effectivement. C'est mignon. Hein. C'est hyper mignon. Et pareil, quel âge a son fils? 17 ans. 11. Son fils a 11 ans et sa fille a 8 ans. Et c'est le cadeau de sa fille. Ah, c'est mignon, hein. Oui, Clément. Non, ce qui aurait été drôle, c'est de mettre le même nombre qu'il y a de jours avant que ce soit périmé, en fait. Voilà. Il y a une date de péremption. Ah, pour le yaourt? Ouais, ça aurait été bien. Non, parce que c'est pas très important, le yaourt. Il est plus dedans, Clément. Petit clin d'œil, quoi. C'est moi, il est resté bloqué sur le yaourt. Je comprends pas. C'est-à-dire, on gâche un yaourt pour ça? Elle l'a mangé, le yaourt? Non, mais je comprends pas. Pardon, non, mais votre cadeau est mignon. Mais est-ce qu'on peut revenir sur la vie du yaourt? Qui l'a mangé? Parce que je comprends pas. Les amis, les trois mousquetaires de mes propres ailes, voilà ce qui va arriver dans un instant pour le pop rock électro chaque matin à vos côtés. Et puis surtout, un loyer à gagner à 7h20. Les copains, restez avec nous. On va tirer au sort un gagnant loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire dès à présent. Je vous souhaite un excellent réveil. Et Clément a raison, vous savez ce qu'on fait? Non. 39-16, vous nous appelez, on se raconte nos meilleures blagues de papa. Ah ouais. Ok. Ouais. Parce que les pères, ils ont le don de faire des blagues que seuls eux peuvent faire. Bah, eux et leurs meilleurs potes à côté, ouais. En général. On en parle dans un instant. 39-16 pour nous joindre. Bon réveil. 6h, 9h30. Virgin Tonic. Bon. Prenons une élève. Petite 1, elle est passée en classe de 4e de justesse. Petite 2, son début d'année s'annonce un peu fébrile. Question. Comment l'aider à réussir son premier trimestre dans les meilleures conditions? Vous avez 20 secondes et pas de calculette. Avec Acadomia, la réponse est facile. Vous pouvez dès maintenant, pour la rentrée, réserver les cours particuliers de votre enfant. Accompagné par un enseignant spécialement dédié, il pourra améliorer ses connaissances et ses méthodes de travail. Renseignez-vous sur acadomia.fr ou 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Maman, tu me racontes une histoire. Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. C'est quoi? C'est un pneu assuré 3 ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année. Mais tu lui racontes quoi, là? Une belle histoire. Ah, oublie pas celle du pneu Michelin 16 pouces à 79€ seulement. Ah, si toutes les histoires finissaient aussi bien qu'une offre Volkswagen. En ce moment, pour 4 pneus achetés, on vous offre le maillot des bleus. Prenez rendez-vous sur volkswagen.fr/RDV. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 13 juillet chez les partenaires participants. Conditions sur volkswagen.fr. Maillot offert pour 1€ de plus. Géant, c'est l'été chez Géant. La saison idéale pour les barbecues entre amis. Et le moment de profiter de l'offre exclusive sur 3 litres AOP Coteau Varois Mont-Cigal. Le deuxième est à moins 50% tout de suite. Soit par deux, les 3 litres à 8,06€ au lieu de 10,75€. Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez souscrire un contrat d'électricité directement avec l'application EDF et moi. C'est même possible pour le gaz. Et comme tout se fait avec l'appli, vous réalisez vos démarches quand vous voulez. C'est tout de suite plus simple, surtout si vous êtes en plein déménagement. Facilitez vos démarches, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos offres d'énergie sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Mercredi, tenez-vous prête pour les soldes sur Zalando. Que vous soyez sport chic, minimaliste ou casual, il va y avoir du sport dans votre dressing. Dès mercredi, pour les soldes sur Zalando, profitez d'un choix incroyable d'articles avec des réductions jusqu'à moins 60%. Dans moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Et du beau temps ce lundi sur le sud-ouest, la Méditerranée, sur les Alpes, toujours de la pluie en revanche, des Charentes aux Ardennes en passant par la Bretagne et les Hauts-de-France. Vous aurez 16 degrés cet après-midi à Lille, à Dieppe et à Beauvais, 17 pour Paris et pour Nantes, 18 à Brest, Rennes et Tours, 19 à Limoges, 21 à Strasbourg, Colmar, Bordeaux et Biarritz, 22 à Nice et Chambéry, 24 degrés à Lyon, Valence et Ajaccio, 25 à Marseille, 29 pour Montpellier. Un peu plus de soleil pour demain, le retour des orages est prévu pour mercredi sur les régions du Nord. Bon réveil. Virgin Radio. Virgin Radio. Moitié au 73202. Nos experts vous diront si votre couple est fait pour durer. Envoyez moitié, M-O-I-T-I-E, au 73202. 65 centimes plus prix d'un SMS tel que passe. Put your hands together. Virgin Radio et Lagardère Sport présentent la soirée Electro Summer. Electro Summer. Le 5 juillet à la Tour Eiffel. Virgin. Retrouvez les plus grandes stars de l'électro. We are ready to start up. Robin Schulz. Jag, Cassius, Nervo, Greg Boss, Bob Sinclair, Kungs, Menace. Réservez vos places maintenant sur virginradio.fr, Réseau Fnac et France Billet. Electro Summer, le 5 juillet à la Tour Eiffel avec Virgin Radio. En association avec Pure Break, Direct Matin et MyTF1. Famille, au 71 777, vous rêvez d'un enfant, votre petit bébé, envoyez famille, FAMI 2LE, au 71 777. 65 centimes plus prix d'un SMS tel que passe. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio, le nouveau Red Hot Chili Peppers. Le nouveau Keigo. Sam Hunt. I don't want to steal your freedom. I don't want to change your mind. Le nouveau One Republic. Virgin Radio. Pop rock électro. Tous les matins à 7h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Bon réveil à vous tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez tout juste. Oui, vous êtes en direct dans le Virgin Tonic, plus nombreux chaque matin. Et puis peut-être que vous êtes là depuis longtemps, depuis 5h, depuis qu'on a démarré le warm-up en direct avec vous. 5h, 6h l'émission démarre et on a déjà eu un tirage au sort pour le loyer. Vous avez entendu Ronan gagner à 6h20, premier gagnant de la semaine. C'est parti, deuxième tirage au sort, loyer au 7-12-13. Ils sont bons, ils suivent, on aime ça. C'est parti, tirage au sort. Parmi tous les SMS reçus, loyer au 7-12-13. Le principe est simple, un SMS, on vous tire au sort, on vous rappelle, il faut décrocher en anonyme toutes les heures et me répondre Virgin Radio et c'est gagné pour vous, un mois de loyer. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là? Sonia. Sonia Soso, hein, je me permets. Oui, Soso, tu viens d'où? Je viens de Charente. On a beaucoup d'auditeurs de Charente, ça nous fait plaisir, beaucoup de gagnants pour le loyer notamment. Ma Soso. Oui. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer chaque matin? Eh ben, je pense que c'est Virgin Radio. Dernière semaine avant les vacances, ça veut dire que quoi qu'il arrive de cette année, tu seras notre dernière gagnante du lundi 7h20. Oh là là. Super. Ah mais c'est un événement. Alors Ronan a gagné il y a une heure, je te l'ai dit. Et toi, ma Soso, tu as un loyer de combien? 590 euros. Eh bien ça marche, je te le paye tout de suite. Comme ça, ça te permettra de te faire un joli petit été, de te faire encore un peu plus plaisir. On s'occupe de ton loyer au mois de juin. Et je précise pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, un mois de mensualité de crédit, ça marche aussi. Et évidemment. Oui, bien, sûr. Bien sûr. Vous avez accédé à la propriété grâce à Cofidis, grâce au Crédit Agricole, vous avez emprunté. Attention, les prêts sont très bas en ce moment. Pour avoir du 0% pendant quelques années, n'hésitez pas. Oui, c'est comme les yaourts. 5%, bam, 2 ans, et ensuite, boum, vous avez accès à la propriété, on paye aussi votre mensualité de, c'est normal, de crédit, bien sûr. Ma Soso, tu fais quoi dans la vie? Ben, je m'occupe de personnes âgées. Aide à domicile? Oui, voilà, à domicile, oui. Eh ben, très bien. Eh ben, écoute, c'est un beau métier, ma chérie, et je suis sûr que les gens sont ravis que ce soit toi qui aies gagné. Et puis pour tous les autres, hein, rassurez-vous, dans une heure, nouveau tirage, vous réinscrivez, loyer au 7-12-13 par SMS. Bisous, Soso! Bisous à tout le monde. Salut. Et bravo à toi. Merci de nous écouter chaque matin, ma chérie. 7h23, les trois mousquetaires de mes propres ailes. Eh oui, Red Bull donne des ailes, les trois mousquetaires aussi. Restez avec nous, on revient dans un instant dans le Virgin Tonic. On se raconte nos meilleures blagues de papa. Ouais. Okay. Ouais. 39-16, appelez-nous, n'hésitez pas. Bon réveil. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Je sais ce que je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme un bon levier qui s'ouvre à la vie. On ne va loin que jusqu'au bout. Bien plus qu'un pari et même un défi. Si je reviens, ce sera debout. Mais il faut s'en aller quand Excellent réveil à vous tous, bienvenue sur Virgin Radio, 7h25. Virgin Tony. Merci d'être avec nous les copains, vous le savez, ce week-end c'était la fête des pères, bien oui, sûr oui. Évidemment, et la fête des pères, dit papa, dit blague de papa. Ouais. On est parti là-dessus, on va voir si ça part à tout le monde. Les blagues, que voilà, il n'y a que les pères qui font. Vous savez, quand il y a au resto, voilà, le gars arrive et vous voulez, ton père veut payer en carte, il dit tu m'amènes la Game Boy. La fameuse. Et moi, mon père, à chaque fois, il a une blague. Mmh. À chaque fois qu'on va au resto, chaque fois. Le serveur arrive, il dit voulez un peu d'eau, il dit ah non non on y va mollo sur l'eau. Donc le serveur il dit pourquoi, il fait parce que l'eau bue éclate. Ah. L'eau que tu bois. Jeu de mots. Mais ça c'est sa number one. Ça c'est sa préférée. C'est celle de tout le temps. Clément. Moi mon père il se mettait sur le canapé, il prenait un air triste. Je disais qu'est-ce qu'il y a? Il dit on s'est fait voler le frigo quand j'étais petit, donc je courais voir. Je disais non il est là. Il dit cool, ramène-moi une bière s'il te plaît. Mon père il est meilleur que ça. Vas-y. Mais il le fait à tous mes potes toujours. Mon père c'est toujours c'est mais tu choses du combien? Et mon pote dit j'ai 44. Il dit va me chercher un coca. Oui il a un autre truc super. Quand on était petit, c'est mais je me rappelle plus Camille. Tu sais jouer de la guitare? Non, va-t'en de la pelouse. C'est toujours. Ah non, mais aucun. Juste, il te pose une question et de quoi que tu répondes. Mais je pourrais dire oui, je joue de la guitare. En fait, je fais du flamenco, je fais du jazz manouche et tout. Va-t'en de la pelouse. C'est quoi qu'il arrive, la finalité, de toute façon, c'est ton de la pelouse. Il y a un moment donné, Pauline au standard. Moi, déjà, je l'ai appelé hier, je lui ai dit bonne fête, papa. Il m'a dit je suis pas ton père. Calme-toi. Donc, meilleure blague. Mais ça, c'est pas une blague. Non, il y a chaque fois qu'on lui propose de la salade à table, il dit je suis pas un lapin, puis je voudrais pas maigrir trop vite. Non, mais ça, c'est génial. Moi, chaque fois que je téléphone, ça coupe avec mon téléphone l'été, quand je passe l'été chez eux ou quoi, il dit t'as oublié de mettre des pièces. Lourdeur. Non, mais blague. Ouais, oh, lourdeur de quoi? Oh, non, mais mon père, il te casse en deux. Hein. Ah, mais je sais, je suis au courant. Non, mais c'est Jean Valjean, mon père. Hein, l'odeur de papa, moi je suis pareil, je fais des vannes, les mêmes vannes. Hein, je suis papa. Toi, maintenant, ça y est, dès que t'es papa, même les vannes, elles passent plus quoi. Ouais, tu fais des vannes de papa déjà? Non, mais elle est encore petite pour les comprendre, mais. Ah, nous aussi, hein, je pense. Hein. Je comprends pas les tiennes non plus. Pour ça. C'est peut-être pour ça. Laure? Oui, alors moi, la spécialité de mon père. Bon, vous savez qu'il est dentiste, mon père. Donc, mon père, ce qui était énorme, c'est que quand j'ai eu 18 ans, il m'a dit tiens, je t'ai offert une Jaguar. En fait, c'est une Porsche. Qu'est-ce qu'on a ri avec mes sœurs? On a ri. Je pense avoir la Jaguar, j'ai la Porsche. Oh là là là là, qu'est-ce qu'on s'est marré. N'importe quoi. C'était à 17 ans. Donc quand j'avais les dents qui bougeaient, son kiff c'était de les arracher, mais par surprise, tu vois. Donc je disais papa, j'ai une dent qui bouge, et il venait, il me l'arrachait comme ça. C'est horrible. Une dent de lait? Non, non. Hein, une dent de lait qui bougeait. Donc du coup, je lui faisais la tête, et il venait moi, il me disait t'as une dent contre moi? Horrible. Mais vous savez, on passe tous de petites blagues de mon père qui demande la Game Boy à la place de d'un truc à carte bleue. Elle, c'est ouais, moi, mon père, il m'a arraché de mes dents au cachet. Excusez-nous si vous nous rejoignez. C'est voilà, c'était des dents de lait. Et son papa est dentiste. Dit comme ça, tu dis ah ouais, quand même, c'est pas. Nous, c'était la petite blague de papa de arracher les dents de sa fille. C'est quand même bizarre. Aurélia, ma chérie, au 3916, tu nous as appelé. Sois la bienvenue. Coucou l'équipe. Ben moi aussi, mon papa, il fait toujours une blague au resto. C'est souvent à la fin, quand on veut demander l'addition, lui, il dit je pourrais avoir la soustraction, s'il vous plaît. Ah oui. Ah, bien sûr. Ah oui. La douloureuse. Ah oui. Moi, quand j'étais serveur, j'avais une très belle blague. C'est quoi? Chaque fois que quelqu'un me demandait la note, je faisais la. Ou alors, t'aurais pu faire, bah, je vous donne 14. Je vous donne 14, vous avez été sympa, il y avait de l'ambiance. Mon père, il a une bonne blague aussi. Ouais, à chaque fois qu'on arrive au péage, vous savez, le truc automatique qui donne le ticket, là, il arrive, il dit merci madame et bonne journée. Je le fais aussi. Oh, mais j'adore. Florian, une blague de ton papa, toi, c'est quoi la blague type de papa? On les partage ce matin avec vous. Eh ben écoute, moi la blague type de mon papa, c'est quand quelqu'un se présente à lui et lui dit enchanté, et lui répond enchanté, je m'appelle Teuse. C'est une vraie blague. Mais ça, c'est une vraie blague de papa. Ah ouais. Moi, il en a une autre aussi. Quoi? C'est quand il rentre dans un isoloir pour voter ou quoi, il fait vous aurez la même en 44. Genre, cabine d'essayage, quoi. Ah, il est drôle. Hein, il est marrant. Ah, j'aime bien, moi. Ah, il vous a l'usure, hein, comme moi. Oui, c'est vous à l'usure, à force, tu dis bon, allez, Camille, il est marrant. Oui, Pauline, au standard. Et moi, quand je prends de l'homéopathie aussi, il me dit oh, la pauvre Juliette. Parce que homéopathie. Ah oui. Roméo est parti. Homéopathie. Oh, pauvre Juliette. Roméo est parti, pauvre Juliette. Ouais. Ouais. Ouais. Et il m'a fait la même, mon père. Ah, bah, toi aussi, ouais. Tu vois. Ouais. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on est comme ça. Mais vous pétez l'ambiance. C'est vrai, même quand c'est pas Pauline qui te pète l'ambiance, c'est son père par la voix de Pauline qui te pète l'ambiance. Oh, les réveillons chez du standard, ça doit être quelque chose. Oh, oui, Nico du bureau. Moi, comme Florian, mon papa, il avait la même blague. C'est en chantier, je m'appelle Teuse. Et son pote, il lui répondait et moi, sonneuse. Et moi, sonneuse. Oh. Batteuse. Ouais. Faites des week-ends, peut-être. Florian, faites des week-ends avec Nico du bureau, avec vos papas, ça peut bien se passer, j'imagine. 7h30, les amis. Bon, hé, non, c'est normal, c'est les blagues de papa. Mais on les aime quand même. Restez avec nous, on va faire tout de suite un point sur l'actu. Juste après, il y a le réponse à tout de Clément Lacluse qui arrive. Et alors, le pop rock électro, j'espère que ça va vous faire plaisir. Je vous ai préparé Imagine Dragons on top of the world. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Vous êtes ici à la maison. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, encore des averses aujourd'hui des Pays de la Loire aux Ardennes en passant par les Hauts-de-France, la région parisienne et la Bretagne. Ce sera plus ensoleillé sur la moitié sud ainsi que sur le nord-est, 17 degrés cet après-midi à Paris, 20 à Bordeaux. La reprise des épreuves du bac ce lundi avec les sciences économiques et sociales, la littérature ou encore les mathématiques. Vendredi, c'était la langue vivante et des lycéens ont eu de grosses difficultés avec l'anglais. Ils ont lancé une pétition sur le site change.org pour obtenir une modification du barème. Pétition qui recueille ce matin près de 13 000 signatures. En Algérie, ce sont près de 400 000 candidats qui repassent le bac depuis hier après une fuite de sujets début juin sur Facebook. Des dizaines de personnes, dont des cadres de l'éducation nationale, ont été arrêtées, soupçonnées d'être impliquées dans ces fuites. Pour éviter toute nouvelle tricherie, l'Algérie a carrément coupé l'accès aux réseaux sociaux. Une mère de famille jugée aujourd'hui devant les assises du Pas-de-Calais. Elle est accusée d'avoir assassiné son bébé de 15 mois en 2013. Elle avait déposé l'enfant sur la plage de Berck-sur-Mer, laissant la marée s'en emparer. La fillette avait été retrouvée sans vie le lendemain. La populiste Virginia Raggi, portée à la tête de la mairie de Rome à 37 ans, la candidate du mouvement 5 étoiles, a été triomphalement élue avec plus de 67% des voix. Le parti populiste a aussi décroché la mairie de Turin avec une autre novice en politique âgée d'à peine 31 ans. L'examen des boîtes noires du vol d'Égyptair a débuté en Égypte. Les cartes mémoire ont pu être extraites des enregistreurs de vol et de conversation entre les pilotes. Elles ont été séchées pendant 8 heures dans un centre de l'armée. Leur analyse permettra peut-être de faire la lumière sur les causes du crash du vol MS-804 le 19 mai dernier entre la Crète et l'Égypte avec 66 personnes à bord, dont 15 Français. Reprise de la campagne pour le référendum au Royaume-Uni. Les Britanniques diront jeudi s'ils sortent ou s'ils veulent rester dans l'Union européenne. Ce matin, les deux camps sont à égalité. Les sondages voient un glissement en faveur du maintien suite au meurtre de la députée pro-européenne Jo Cox. Son meurtrier sera entendu ce lundi par les juges. plus que 3 jours avant Electrochoc, la 6e édition de la plus grosse soirée électro se passe à Lyon. 12 000 auditeurs attendus jeudi à la halle Tony Garnier pour vivre l'événement avec Cassius, Flume, The Avenger ou encore Synapson. Ce sera aussi à vivre jeudi soir sur Virgin Radio. Voilà pour l'actu, bon réveil. Soyez les bienvenus sur Virgin, si vous nous rejoignez tout juste 7h34, un grand merci à vous d'être avec nous, on va passer une semaine exceptionnelle, c'est notre dernière avant les vacances, je peux vous dire vraiment, j'exagère pas, alors il y a la pool party, la dernière de l'émission bien sûr, vendredi, on va prendre des gens qui sont inscrits sur Facebook gratuitement, on va les remplir au 3916, on va leur donner leur invitation, bien sûr, vous allez venir où que vous soyez en France, tout frais payé, nous rejoindre, ça c'est sûr, on a une belle surprise qui arrive ce matin, je vous l'annonce dans 2 secondes, on a des surprises toute la semaine, ah ouais. On va vous faire des cadeaux magnifiques tout au long de la semaine. Voilà, pour fêter ces 2 ans incroyables qu'on a passé à vos côtés. Je voudrais qu'on remercie aussi les délices de Magali. Oui. Alors voilà, vous le savez que vous êtes toujours les bienvenus ici dans le studio. Hein. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas. C'est voilà, cette émission, c'est surtout la vôtre. Alors ils ont une page Facebook, allez voir. C'est de la pâtisserie personnalisée. Magali et Franck d'Argenteuil. Mais alors, ils nous ont amené un gâteau. On va le mettre en photo. Ils ont refait le Teddy officiel de l'émission avec tous les trucs inscrits, nos prénoms et tout. C'est incroyable. Je peux même pas manger ce gâteau. Ah non, c'est impossible de manger, il est magnifique. Franck, on est en train de le vexer parce qu'il dit mais non, mais c'est fait pour manger, il est vanille chocolat. Et Magali, sa petite chérie, a fini ce matin à 5h de le faire. Mais c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Magnifique. Oui, mais faut le manger quand même. Non, il est beaucoup trop beau ce gâteau. Il est hallucinant, on va vous le mettre en photo. Et merci à eux. Et merci à tous les cadeaux, tous les courriers qu'on reçoit tout au long de la semaine. Les copains ici à Virgin Radio, 7h35. Imagine Dragons, voilà ce qui va arriver. Vous pouvez me joindre aussi au 3916, vous le savez. Dans un instant, je vous envoie à Disneyland Paris. Accès à tous les parcs. Le parc sera même privatisé pour vous pendant plusieurs jours. Et c'est pour 4 personnes. Vous allez vous régaler, les copains. Restez dans le coin, mais pour le moment, 7h35, c'est le réponse à tout de Clément Lincruste. Tonique. Réponse à tout. Eh oui, bien sûr, les enfants ont réponse à tout, ils se font jamais piéger par les questions de Clément, mais c'est pour ça que c'est aussi très marrant. Et dans quelques jours, puisque c'est les vacances pour eux aussi, je leur ai demandé ce qu'ils pensaient des colonies de vacances. Vous allez voir que les avis sont très partagés. Est-ce que vous savez ce que c'est que les colonies de vacances? Bah c'est quand les parents ils inscrivent leurs enfants pour qu'ils partent en montagne ou à la campagne pour aller faire des activités. T'as des animaux qui te gardent et tu dors avec tes copains dans des chambres. C'est quand je pars avec des copains et des copines en vacances. C'est trop bien. Et ton frère, tu l'as oublié? Avec mon frère, oui. Ben moi, j'y vais jamais. Alors, t'imagines ça comment? T'imagines que c'est génial ou que c'est pas top? Que c'est un enfer. C'est trop bien. Tu te trompes, hein, c'est génial, la colonie de vacances. Oh ben moi, je l'aime pas. J'ai jamais été, mais j'imagine ça. Et est-ce qu'on fait plus de bêtises quand on est en vacances? Avec ses parents ou en colonie de vacances? En colonie de vacances. Je me suis fait en colonie. C'est quoi? En panarie. Et plus, mes 2 doigts que se sont coincés, j'avais de l'herpès. Tu t'es fait ça comment? Ben, je sais pas, mais c'est papa, il m'a chopé son herpès. Et il saignait de partout, j'étais en stress, je pleurais. Et mon doigt s'était détaché. C'était horrible. Et alors, ça te donne envie d'y aller? Encore moins. Le réponse à tout. Vous êtes incroyables, oh là là. Les enfants, chaque matin. Franchement, 7h37, Imagine Dragons on top of the world. Et on arrive avec vous. Ce sera le jeu du 4 à la suite pour gagner vos passes pour Disney au 39-16. A tout de suite. Take it in, but don't look down. I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Been on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, hey. Been holding it in for a while, hey. Take you with me if I can. You're dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I've tried to cut these corners, try to take the easy way. don't look down. I'm on top of the world. Sur Virgin Radio, 8h20, j'espère que tout se passe bien. C'est lundi, le 20 juin. Et on joue avec vous les amis, parce qu'on veut vraiment vous régaler. Dernière semaine qui se terminera avec Aix-en-Provence. Tiens, on va prendre des gagnants d'ailleurs, hein. Inscription, c'est sur Facebook. Vous venez avec nous, tout frais payé pour la grande dernière, la pool party. On a réservé une énorme villa. On vous rappelle dans 2 minutes. Et pour l'instant, au 39-16, là encore, c'est Myriam qui joue avec nous pour ses passes pour Disneyland Paris. Salut Myriam. Oui, salut Camille. Myriam, je suis ravie de t'entendre. Tu fais quoi dans la vie? Je cherche du taf. Tu cherches du taf? T'as fait quoi comme étude? Alors, j'ai pas fait d'études, je me suis arrêtée au bac. Mais ça, on sait très bien. Déjà le bac, puisque ça va être un jeu, attention, de culture générale. Tu connais la finale de questions pour un champion? Oui. Eh ben, c'est pas la finale d'ailleurs, c'est avant, c'est le 4 à la suite. Il faut qu'en moins d'une minute, tu aies 4 bonnes réponses à la suite. On y va, c'est parti, jingle. Et après, faut tout donner, ma chérie. Virgin Tonic. C'est le Est-ce que tu te sens prête? Prête. N'oublie pas, dès que tu donnes une mauvaise réponse, ça repart à zéro. Et en une minute, il faut que tu aies 4 bonnes réponses d'affilée. On y va. Ma Mimi. Top. Top. Quel pays appelle-t-on l'Empire du Soleil Levant? La Chine. Et non, le Japon. Merci. Quel est le nom de la panthère dans le livre de la jungle? La panthère dans le livre de la jungle, c'est... Bagheera. Bagheera, bonne réponse. Dans la formule H2O, que représente le O? Oxygène. Bonne réponse. Qui était l'acteur principal dans The Artist? Dujardin. Bonne réponse. Il était sur les billets de 50 francs et a écrit Le Petit Prince. Qui c'est? Saint-Exupéry. Oh là là, 4 à la suite, direct, on n'en parle plus. Oh là là là là là là là là. Oh là là. Ah bah dis donc. C'est allé vite, hein. Oui. C'est allé extrêmement vite. Alors, on s'est juste planté sur le Japon, l'Empire du Soleil Levant. Et après, mais alors, ma grande, t'as déroulé, toi. Ouais, ça ouais. Fait 4 bonnes réponses. Écoute le beau cadeau que je vais t'offrir, ma chérie. Oui. T'as une petite famille, t'es mariée? Oui, j'ai 2 enfants. Eh ben, c'est parfait. 2 enfants et un mari, ça fait 4 personnes. Je t'offre 4 passes pour Disneyland Paris. Tu pars le 9 juillet à l'occasion de la Summer Break Party by Crédit Mutuel. Ça veut dire qu'il y a une soirée là-bas de prévue avec plein de DJ, Eugle, Offenbach, Le Maître, Cotton Club. Donc déjà, t'as ta soirée prévue avec ton chéri. Mais en plus, du coup, vous avez accès à tous les parcs pendant 2 jours. On vous réserve aussi l'hôtel, les restaurants. Et le soir de la Summer Break Party, en plus, le parc est privatisé. Tu pourras faire toutes les attractions sans faire la queue en pleine nuit. C'est trop bien. Eh ben, je suis très heureux, ma chérie. Ça fera un beau séjour pour tout le monde, hein. Ah, super. Ah, merci mille fois. Merci, Camille. T'es un ange, ma Mimi. Je t'embrasse très fort. Moi aussi, je vous embrasse fort. Bisous, ma belle. Merci d'être avec nous le matin. Embrasse toute ta petite famille. Mike Posner, I took a pill in Aix-en-Provence. On l'a un petit peu modifié, vu qu'on part à Aix-en-Provence pour la dernière. Bon réveil à vous tous. Merci d'avoir choisi le Virgin Tonic. Vous avez très bien fait. C'est là que ça se passe tous les matins. I took a pill in Aix-en-Provence. To show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Sad soul, sad soul. Darling, oh, I know. Oh, sad soul, sad soul. Of a pop song people forgot, and I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse, but the truth is I can't open up, and you don't wanna be high like me, never really know why like me, you don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone, and you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this, you don't wanna be stuck up on that stage, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls. Darling, oh, I know sad souls, sad souls. Excellent réveil à vous tous, merci de nous avoir choisis. Bienvenue dans le Virgin Tonic, vous le savez, cette émission c'est la vôtre, vous qui ouvrez les yeux là avec nous. Beaucoup de courage, on pense aux collégiens aussi, les lycéens qui passent leur bac encore cette semaine. Aujourd'hui spécialité maths pour les S, éco pour les ES, littérature pour les L. C'est dans quelques minutes, vraiment courage, courage à vous. On pense très très fort à vous. Et pour la dernière, pour faire la fête, fêtez votre bac si vous pouvez. Voilà, fêtez une année, passez à nos côtés. Vous le savez, on organise une émission complètement dingue, le Virgin Pool Party. On a réservé une immense villa à Aix-en-Provence, immense piscine et immense fête. Voilà ce qu'on prévoit. Il suffit de vous inscrire gratuitement sur le Facebook de l'émission. On tire au sort, si on vous rappelle, au 39-16. Vous gagnez deux places. Pas une, mais deux. Venez avec la personne de votre choix. Bim, bim. Et vous venez avec nous faire la fête. Alors, quand je dis faire la fête, c'est pas on fait l'émission, on se quitte, bon copain. C'est on fait l'émission, tout va bien. Et puis derrière, on passe toute la journée ensemble, on fait la fête au bord de la piscine. On a prévu saut à l'élastique. Quoi ? On a prévu la plus grande merguez du monde. Ouais. Ouais. 15 mètres à battre. On va les battre. On aura une merguez qui fera dans les 20 mètres. Mais je fais, c'est même pas une blague. Hein. Non, non. Et je précise pour tout le monde, évidemment, qu'on la mangera. Je veux dire, c'est pas juste pour la regarder et dire c'est génial. Elle sera comestible et tout. On gâchera pas. Ce sera une merguez de 20 mètres qu'on va mettre sur le barbecue, Clément. Je m'occuperai de la manger puisque Laure s'occupe du saut à l'élastique. Je ne sais pas qui vous êtes. Ah là là là là. Je l'ai dit, je me suis pris un engagement. Mmh. Si Laure, au dernier moment, nous lâche sur le saut à l'élastique, je m'engage à la remplacer. Mais à la remplacer à la rentrée par quelqu'un d'autre. Non, à la remplacer au saut à l'élastique. Fanny, ma chérie, on t'a rappelé, tu vas venir avec nous à la pool party. Tu viens d'où, ma belle ? Je viens de Caen. plus dans le bocage virois, en fait, le désert. Eh bien, on viendra te chercher dans ce bocage, d'accord? On va t'extraire à l'aide d'hélicoptères. On va t'extraire et tu viendras avec nous à Aix-en-Provence et on fera une journée magnifique. D'accord, ma belle? Ouais, je suis très émue, en fait. Bah ça me fait... Non mais pleure pas ma chérie hein. Non je vais pas pleurer, je me suis assise pour pas faire de malaise. Ah non, ne fais pas de malaise ma belle. On va passer une matinée géniale. Vous le savez, on aurait pu aller dans un endroit plus loin, paradisiaque, amener que 10-20 personnes, 10 d'entre vous. Non, nous ce qu'on veut c'est amener le maximum de monde. On vous doit ces deux belles années sur Virgin qui vont continuer hein, je dis pas au revoir. Mais je vais dire, on vous doit deux belles années. Ce qu'on veut c'est faire la fête avec le maximum de personnes. C'est ce qu'on fait depuis 2 ans. On veut partager ces beaux moments et cette dernière avec vous. Avec Mélanie aussi qui sera là. Salut Mel. Salut. Elle vient d'où Mel? Je viens de La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, c'est gagné. 2 places. Tu viens avec nous. Tu seras là la dernière. Ouais, bah c'est cool. Merci beaucoup. Mais je suis très content. Il y aura Koums en plus, notre invité. Il est d'Aix-en-Provence comme moi. Ah, génial. J'aime bien Pauline parce qu'elle a été malade, elle va mieux, mais elle a été malade 2 jours, du coup elle redécouvre tout. C'est ça, c'est très cher. Et je vous trouve tous très mignons. Bah bon, c'est gentil. C'est sympa et tout, c'est super, j'adore. Ah, et la morphine, ça tape, hein. Ça tape, hein. Gaël, mon bichon, tu seras avec nous aussi à Aix-en-Provence, c'est gagné, hein, poteau. Salut. Salut les amis. Salut. Salut. Tu viens d'où, poteau? De Corse, dans un tour. Ah, de Corse, bah, très bien, bah tiens, on est ravis aussi. Tiens, t'es le premier Corse qui gagne, vous aussi, hein, vous êtes de Corse. On vous emmène aussi, on vous oublie pas, vous venez avec nous faire la fête. Hein. Gaël, je suis ravi de te rencontrer. Ah bah ouais, je suis trop content. Hein. Eh ben, je suis très heureux, on se rencontre tous vendredi, on va faire une énorme fête ensemble. Estelle aussi, c'est gagné pour toi, ma chérie. Hein. Wouh, merci beaucoup Camille, j'ai hâte de vous voir. Eh ben, je suis heureux, tu viens d'où Estelle? Alors moi, je viens d'Alsace, encore une. Et encore une, et encore une Alsacienne qui sera avec nous, tu choisis la personne avec qui tu veux venir. On a 300 personnes à inviter, on va faire la plus grande fête radio. Voilà, cherchez pas ailleurs, nous, ça va être la fête avec vous, on veut partager ce beau moment et fêter ces 2 années à vos côtés. Koums, This Girl. On en parlait justement, ça arrive pour le pop rock électro. Je vous souhaite un excellent réveil, 8h-10. Merci de nous avoir choisi, c'est Virgin Tonic. 118-712, le numéro de référence pour trouver un médecin. 118-712. Appel facturé 50 centimes d'euros la minute, plus 2,19€ par communication, plus prix de l'appel, y compris durant la mise en relation. Mère de famille et ancienne infirmière, Christine s'est toujours occupée de tout. Elle s'est occupée de la maison et de ses 3 enfants, puis elle a décidé de s'occuper à nouveau de sa carrière. Et grâce au Bon Coin, elle s'occupe désormais de la santé des autres. Le Bon Coin, c'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. Carrefour Market fête ses clients! Il y a de l'ambiance chez vous! Vous avez changé la déco, faites une fête, c'est pour quelle occasion? C'est la grande fête, Michel! À partir du 21 juin, Market fête tous ses clients. Oh, c'est sympa ça! Et oui, et jusqu'au 3 juillet, il va y avoir des promos à gogo, des animations et beaucoup de surprises. Oh, j'aime beaucoup votre programme! Attendez, je vous raconte, par exemple, dès mardi chez Market. Ah non, ne me dites rien, j'adore les surprises! Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Modalité, produits et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Maïf, c'est quoi une meilleure assurance habitation? Alors au fait, ton emménagement, ça s'est bien passé? Ah ouais, super, mes nouveaux colocs sont au top. Et comme l'assurance habitation est à la Maïf, j'ai rien eu à faire. Ah bon? Ouais, tout était déjà assuré. Même mon ordi, mon téléphone, mon vélo. Ah ouais, t'es avec des pros de la coloc là. Ouais, j'avoue. Et dis-moi, tu penses qu'il resterait une petite place? Maïf First, assurance habitation pour les locataires et colocataires de moins de 30 ans. On a tout à gagner à se faire confiance. Maïf, assureur militant. Dis, oui. Tu aimes le cinéma? Ah bah oui, bien sûr. Alors tu vas être content. Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom offre à ses clients Bibox 20 films en VOD. Waouh, 20 films en VOD sur ma Bibox Miami? Oui. Avec les pop-corns? Ah. Non mais je demande, bah tant qu'à faire. Tu es tellement drôle. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous réservons à nos clients Bibox. 20 films de légende offerts en VOD. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Vous trouvez qu'entretenir votre voiture, ça complique toujours votre journée? Eh bien Patrick, non. Ah non, moi, tout se déroule toujours comme prévu. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Patrick est chez Noroto. Et bien gérer son temps, c'est facile avec Noroto. Les délais annoncés sont respectés, sinon désormais, on vous rembourse la main-d'œuvre. Noroto. Conditions et exceptions en centre et sur noroto.fr. Novoté. Virgin Radio. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu. Qu'un jour tu seras parti, j'ai ça dans la peau. Jusqu'à la fois de trop. Chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Should've left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. Vous tous, 8h05, vous êtes dans le Virgin Tonic. Un grand merci de nous avoir choisi. Courage à vous tous qui êtes en train d'aller sur le chemin du bac. On vous souhaite vraiment bonne chance à vous, aux parents qui sont aussi stressés que vous, à tous ceux qui ont commencé le boulot depuis très très très longtemps ou qui êtes encore en voiture. Dans un instant, l'actu bien sûr, comme chaque matin à 8h, on fera un grand point. Et puis la nouvelle question de ouf, juste après à 8h05, comme chaque matin, on écoutera tous les messages que vous avez laissés sur notre répondeur. Et alors ça y est, c'est l'été aujourd'hui. Ouais. Donc on a lancé un hashtag, c'est l'été quand? Quand est-ce que vous savez que c'est l'été pour vous? Quand est-ce que vous savez que là, ça y est, l'été arrive, qu'il faut arrêter? Moi, je le sais, c'est quand il n'y a plus de Nutella dans mon placard, que ma chérie arrête d'en acheter. Quand c'est, voilà, une no Nutella zone, là, je sais que, bon, ben, bah, c'est qu'on arrive, on approche de l'été. Clément. C'est l'été quand t'es obligé de te doucher le matin et le soir. Parce bah que ouais, t'as fait les trucs, les journées sont longues, t'as transpiré. Ouais. Tu peux le faire l'hiver, hein, n'hésite ouais, pas. Aussi, hein. Bah non, c'est le hashtag tes propres camps. Tu te laves. Ah non, l'hiver, moi, c'est le mardi. Oui, ouais. Uniquement. Laure. Quand ma fille se couche de plus en plus tard parce qu'elle m'a dit. Ah, mais tu passes sous un tunnel, je crois. tunnel. Je ne comprends pas. Laure, c'est la seule qui parle comme quand t'es au téléphone et je que. Tu captes pas. Tu captes plus, quoi. Non, c'est quand ma fille se couche de plus en plus tard parce qu'elle me dit mais maman il fait pas encore nuit. Ah ouais, mais c'est vrai. Ouais. Mais quel kiff. Bah quel kiff, bah pas pour nous en fait. Bah ouais, mais c'est un kiff énorme. Mais non, bah, c'est normal. Et quand il fait plein jour encore, t'as pas envie de te coucher, c'est Clément. Ça. C'est l'été quand t'arrives en terrasse et si t'es plus de 3, il y a pas de place. Ah ouais. Ça c'est que c'est l'été. Ah Clément ouais, et les terrasses. Ah ouais, c'est ma vie. Une histoire. Vous êtes très très nombreux à avoir réagi sur les réseaux. On va lire toutes vos réactions. On a rappelé Fabrice et Lisa aussi. Salut tous les deux. Bonjour. Salut tout le monde. Salut. Ça va Fabrice et Lisou? Ça fait vraiment cool chez qui on va dîner le samedi. On va chez Fabrice et Lisa. J'adore Lisa. Fabrice est un peu lourd. Mais j'adore Lisa. Ça fait vraiment un petit couple. C'est vrai. Ouais. Pauline, à quoi tu sais, tu sens que c'est l'été toi? Bah déjà quand tu mets des petits hauts fleuris comme aujourd'hui. Ah oui, tu l'aimes bien. Non. Non. Ouais. C'est la mode, c'était. Ne me lance pas, ne me lance pas des perches. Je te jure, il est nouveau, c'est la mode. C'est l'été quand t'as des invites Facebook pour des pique-niques où finalement tu vas jamais. Bah t'as la nappe du coup. Je l'attendais. Bah, la c'est un petit haut fleuri Michon en fait. C'est que du jambon. Fleuri méchoui. C'est ça. Qu'est-ce qui se dit sur les réseaux, ma petite Ginger? On a plein de choses. Il y a Popsicam qui dit c'est l'été quand les rayons des magasins se remplissent de paquets de merguez et de brochettes. Ah. Ah ouais, ça. Et ouais. La plus grande merguez du monde. On va faire homologuer le record. Elle sera chez nous vendredi matin en direct de la Virgin Pool Party. 15 mètres à battre, hein, les amis. Hein. Il y a Chloé M aussi qui nous dit, c'est l'été quand tu achètes un brumisateur mais qu'il est fini en une heure, qu'est-ce que t'as voulu arroser la terre entière? Bah c'est génial. Ouais, c'est génial que tu fais cette tête Nico du bureau, c'est génial. Ouais, je vois pas là trop l'intérêt des brumisateurs, autant aller au bord de la mer, tu vois, prendre un peu Bah excuse-nous Paris Hilton. Ouais, hein. Si à chaque fois que t'as envie de te mouiller le visage, tu prends un truc au bord de la mer, ça va pas être simple. Mais c'est génial, un brumisateur. Bon, il vaut mieux avoir un pote qui poustillonne. Ça rapporte beaucoup. Non mais c'est hyper cher pour ce que c'est, les brumisateurs. N'importe quoi, Pauline du standard. Moi ce que j'adore c'est le brumiser dans la bouche. Ouais, moi aussi. Ouais. J'adore. Ouais, moi j'adore tout ce qui est autour du brumisateur. Toutes les blagues que ça t'apporte, tous les trucs. Non, c'est génial. Ah non, moi, hein, c'est quoi les autres blagues? Parce que je vais tu mets là, quelqu'un s'y attend pas, tu fais, hey, il se tourne, puis le brumisateur. Tu fais semblant de mettre du déo, tu fais comme dans le Prince de Bel Air, tu fais semblant de faire des tags avec. C'est génial, il y a plein de trucs à faire. Il y a qu'un truc quand même, on reviendra un jour sur le prix de ça, puisque ça doit être l'équivalent, puisque vu que c'est un brumisateur, il doit avoir l'équivalent d'un demi-verre d'eau dedans, et ils te vendent ça 16 euros quand même. Non, mais c'est cher. Ah ouais, c'est cher la blague, hein, Clément. Mais est-ce que tu peux le recharger? Non, c'est pas non. Il y a pas des capsules qui existent. Après il y en a des moins chers, c'est la cristalline. Il est si bon. Mais bon, sinon ouais, maintenant ils font les Evian et tout, c'est très très cher. Hein. Fabrice, à quoi tu sais que c'est l'été toi mon poteau? Moi c'est l'été quand je sais qu'on parle de brumisateur, mais surtout quand je regarde ma voiture, je cherche une place à l'ombre et pas en plein soleil, parce que non, mes sièges en cuir, ça devient une plancha. Ah mais c'est pas une plancha. Ah ouais, c'est ah, les sièges en cuir, l'été c'est quelque chose. Ah ouais. Ah non mais c'est un autocuiseur. Ah ben c'est pas possible, Pauline, au standard. Mais moi c'est un test pour moi, les sièges en cuir dans les voitures. C'est-à-dire je m'assois, je sais que j'ai grossi ou pas. Est-ce que ça colle le plus ou pas? Ah bon? Ouais. Non. Mais je suis en short, donc je vois si les fesses collent. Ouais, mais si c'est en plancha, ça retient pas la graisse. Bah, c'est vrai la plancha, c'est ça tout l'intérêt de la plancha. Bah oui. Bah, c'est vrai l'or. Mais je crois même que ça fait fondre la graisse. À vérifier. Penchez-vous sur le dossier plancha tout de suite. Lisa, ma chérie, à quoi tu sais que c'est l'été, toi, ma belle? Alors moi, je sais que c'est l'été quand tous les repas de famille, finissent en pétanque, tu sais, dans le jardin, et que le soir, il reste pour manger les restes. Voilà, c'est sympa, c'est plus convivial. Bah, bien sûr. Il y a un autre truc à quoi tu sais que c'est l'été. Quoi? Oui. Dès que tous les 90 minutes enquête, ça suit la brigade des forces de l'ordre de Saint-Tropez. Ah. Nous allons vous faire découvrir la face cachée de Saint-Tropez. C'est déjà ça. Et ça, c'est l'été. Fabrice, Lisa, merci d'être avec nous, vous tous, hein, pour les réactions. On va continuer d'en parler. C'est l'été aujourd'hui. Hashtag, tu sais que c'est l'été quand? Ben, quand Kungs aussi est numéro 1 partout dans le monde. On va l'écouter pour le pop rock électro. Ne bougez pas. 8h01, un point sur l'actu. Et on est de retour. Et je vous annonce la belle surprise qui arrive dans l'émission de ce matin. Dans quelques secondes, bougez pas. Virgin Radio, il est 8h. C'est l'heure de profiter d'un crédit vraiment exceptionnel dans le réseau d'Asvelta Auto. Les occasions des marques Volkswagen, véhicules particuliers et utilitaires, Seat et Skoda. Plus d'informations sur dasveltauto.fr. Électrochoc, Lyon, J-3. Pop, rock, électro. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, ce sera l'été cette semaine, mais pour l'instant c'est toujours un temps d'automne sur le nord, avec de la pluie attendue aujourd'hui des Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes, de la pluie demain pour la fête de la musique à Paris, des éclaircies sur l'Alsace, les Alpes et le Sud-Est. Plus que 3 jours avant Electrochoc à Lyon, 12 000 auditeurs réunis pour la plus grosse soirée électro. Jeudi à la halle Tony Garnier, sur scène The Avener, Cassius, Flume, Synapson, Casi Lambiste et plein d'autres. Vos places à gagner encore aujourd'hui sur virginradio.fr. Et la soirée sera à vivre également jeudi à partir de 21h sur Virgin Radio. Dans le reste de l'actu, le Conseil d'État qui doit se prononcer aujourd'hui sur la consultation sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il va devoir dire si elle peut se tenir comme prévu dimanche prochain. 67% des Français ne veulent toujours pas de la loi travail, mais la majorité reconnaît en même temps ne pas vraiment connaître son contenu. Sondage Harris Interactive pour LCP Assemblée Nationale. De nouvelles journées d'action sont prévues contre le texte de Myriam El Khomri ce jeudi 23 juin, puis dans 8 jours, le mardi 28. Nouvelle journée d'épreuves pour le baccalauréat, les sciences économiques et sociales, la littérature ou encore les maths. Ce lundi, des candidats ont lancé une pétition ce week-end après l'épreuve d'anglais de vendredi jugée trop difficile. Une pétition en ligne sur le site change.org qui dépasse ce matin les 13 000 signatures. À l'étranger, le mouvement 5 étoiles qui s'empare de deux grandes villes en Italie, Turin et la capitale Rome. Un camouflet pour le parti démocrate de Matteo Renzi qui a promis de démissionner en cas d'échec au mois d'octobre lors d'un référendum sur la Constitution. Et puis après quelques jours de deuil suite au meurtre de la députée Jo Cox, la campagne pour le référendum reprend au Royaume-Uni. Le vote aura lieu jeudi et les deux camps sont à égalité. Des rassemblements ont eu lieu hier soir à Londres, à Paris, Berlin et Rome pour former une chaîne du baiser visant à montrer l'amour entre l'Europe et la Grande-Bretagne. L'Euro de football, match nul 0 partout pour France-Suisse hier soir près de Lille. Les Bleus terminent premier de leur groupe. L'objectif est atteint, déclare Didier Deschamps. Cette première place va permettre à la France de jouer son huitième de finale dimanche à Lyon contre une équipe arrivée en troisième position du groupe C, D ou E. L'Italie et la Suisse sont également qualifiées pour la phase finale alors que l'Ukraine et la Roumanie sont éliminées. Ce soir, Slovaquie, Angleterre et Russie, Pays de Galles. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic. Très bon réveil. Excellente matinée à vous tous, lundi 20 juin dans toute la France. Merci en tout cas de démarrer vos journées toujours plus nombreux à l'écoute du Virgin Tonic avec toute l'équipe qui est là. Oui. Laure, yes. Clément, oui. La Pauline. Coucou. Du standard, bien sûr, pour nous joindre, c'est le 39-16. Courage à ceux qui viennent de déposer les enfants à l'école, qui sont encore en voiture, ceux qui sont déjà au taf aussi, on pense très fort à vous. Dernière semaine de Virgin Tonic, ouais. On va vous régaler. Des cadeaux magnifiques tout au long de la semaine. Une dernière en direct de Aix-en-Provence, bien sûr. On va inviter entre 300-400 personne à nous rejoindre. Ça se passe gratuitement sur Facebook, l'inscription. On va continuer de payer votre loyer, heureusement quand même. C'est dans 15 minutes à peine, à 8h20, on veut que des gagnants cette semaine. Hein. Loyer au 7, 12, 13 par SMS. On vous rembourse votre loyer, votre mensualité de crédit si vous êtes propriétaire. Donc loyer au 7, 12, 13, tentez votre chance aussi. Et puis je vous avais promis une surprise parce que ça va être une semaine. On va faire que la fête avec vous le matin. C'est Ramzy qui sera notre invité ce matin. Oui. Alors vous le savez, on n'a jamais d'invité nous parce que rapport au fait qu'on connaît personne dans le showbiz. Mais vraiment voilà, il y a certaines personnes qu'on aime beaucoup, ouais. Qui nous régalent. On a eu pas grand monde, on a eu Malik, ouais. On a eu Gad Elmaleh, oui. Isabelle Nanty. Isabelle Nanty. Et ce matin, voilà, Ramzy qui va être avec nous dans quelques minutes, mais qui fera l'émission avec nous. Mais oui. Ah voilà, l'émission trop continue, bien. Voilà, il sera là, il paiera votre loyer, tout ah, ça. Ah ouais. On va s'éclater avec lui, j'en suis sûr, jusqu'à la fin de l'émission. Et puis, la question de ouf, ça c'est tout de suite, c'est comme tous les matins à 8h05. Là, c'est vous qui faites tout, vous nous faites marrer. On vous laisse simplement notre répondeur et vous laissez tous vos messages. La question de ouf. Et on vous a tout simplement demandé ce que vous aimeriez qu'on fasse pour la dernière, la pool party d'Aix-en-Provence. Alors moi, pour la Vision Pool Party, je vois bien deux personnes dans la piscine, sur des matelas gonflables, en train de s'affronter avec des frites géantes. Ce serait complètement ouf. Il faudrait faire un tour de pole dance, et que Clément essaye surtout, ce sera le plus marrant. Alors moi, je vous verrais bien faire sur la piscine une course en bulles gonflables. C'est-à-dire qu'il y a des bulles en plastique, on peut se mettre dedans, et puis on court, elles flottent sur l'eau. Il faudrait faire une pêche aux canards dans la piscine, mais avec des vrais canards. Il faudrait faire un quiz sur un taureau mécanique. Pour la pool party, il faudrait chanter du aqua sous l'eau. Genre, I'm a baby girl in a baby world. Mais vous pourriez chanter des chansons de Michel Polnareff. Moi, je propose que Clément, parce que c'est le plus adéquat, saute dans la piscine en tenue de ski intégrale. Que Camille arrive en hélicoptère, que vous fassiez gagner la villa à la fin de l'émission, que vous vendiez Pauline sur le bon coin, que vous fassiez l'émission en québécois ou en italien, je sais pas pourquoi, mais ça me ferait marrer. Enfin bref, faites des trucs fous, faites des trucs fous. Question, question de ouf. Déjà, j'apprécie, personne nous demande de la faire en anglais. Vous avez remarqué, ouais. Ils nous entendent parler anglais depuis quelques temps. Et je rappelle, on est à la recherche de celui d'entre vous qui a laissé le message, Michel Polnareff. Ouais. On te veut avec nous, Alex. Qui que tu sois, tu choisis la personne de ton choix et on t'invite à Aix-en-Provence. Kungs, This Girl, ce sera justement notre invité pour la grande dernière. Il est numéro 1 dans le monde entier. Vous l'avez vraiment découvert, entendu la première fois chez nous le matin sur Virgin Radio. Excellent réveil, 8h07. Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Thank you. Réveil à vous tous, le Virgin Tonic à vos côtés chaque matin 6h-9h30. Beaucoup de courage pour cette nouvelle semaine. Toute l'équipe est là bien sûr. Oui. Lundi aujourd'hui le 20 juin 8h10. Les amis, vous avez fait le bon choix. Le Virgin Tonic est là avec vous dans 10 minutes. Un nouveau loyer à gagner. Dans 10 grosses minutes maintenant, Ramzy sera avec nous. Ouais. On fera toute l'émission avec lui. On va s'éclater les copains. J'espère que ça va pour vous. Vous êtes peut-être un petit peu à la bourre pour le travail, pour déposer les enfants, parce que vous avez encore laissé votre copine prendre la salle de bain avant vous. Mm-hmm. Ah, c'est pas malin. Ah, jamais. Bah non. Ah bah. Jamais. Nous c'est le temps de. Voilà, c'est 1 minute 30 et c'est. Ouais. Mais des fois par flemme aussi, hein. Ouais, c'est vrai. On n'a pas envie d'y aller tout de suite, on dit oh non, par devant. Puis après c'est 25 minutes, Clément. Puis si tu cèdes une fois au début, après c'est mort. Fini. C'est mort, elle prend le pouvoir, ouais. Elle prend son habitude de salle de bain, son ouais, timing était en retard tous les jours. Tu sais Clément, quand t'es en couple depuis longtemps. Bon, t'es malheureux. Oui. Et Je plaisante. Je plaisante, les amis. Mais il y a des trucs sur lesquels il faut céder. Il y a des trucs que tu tiens tête vraiment. Tu dis non, c'est important pour m'affirmer en tant qu'homme. C'est ça que je veux faire. Et puis il y a des trucs que tu cèdes. T'as cédé sur quoi? Bah, t'es venu chez moi. Moi, j'ai cédé sur, tu sais, les rideaux. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a des rideaux qui ne servent à rien. Oui. Ah. C'est-à-dire que quand tu les mets, ça enlève à peine un petit peu. Tu sais, c'est un peu transparent. Mais oui. Donc ça enlève presque rien de la lumière. Et donc c'est juste pour pas qu'on voit. Mais du coup, tu regardes un match de foot ou quoi l'après-midi, bon bah il fait jour chez toi. Alors moi j'étais pour les voler, tu fermes dans le noir, boum, noir complet, tu t'éclates. Nico du bureau. Mais c'est ça, c'est que les filles elles sont plus dans l'esthétique, nous on est dans le pratique. Donc effectivement, les rideaux, elle, peut-être qu'elle trouve ça très joli ta chérie, les mais rideaux. Mais je sais pas, je trouve pas ça joli, je dis juste que des rideaux, tant qu'à faire, autant que ce soit des rideaux. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? L'idée c'est comme si tu mets un. Comment on appelle ça là, sur les voitures, sur le pare-brise? Un pare-soleil, mais grillagé quoi. Donc en fait, ça part rien du tout en fait. C'est le même principe, tu vois, c'est, mais elle, ça lui suffit, Clément. Moi à l'époque j'avais cédé sur le rasage, tu sais, j'ai toujours la barbe et elle voulait pour que ce soit plus doux que je me rase, mais j'ai une tête de mec de 15 ans quand je me rase. Et tu l'avais fait. Et je l'avais fait, j'avais cédé et du coup je l'ai quitté et maintenant j'ai une belle barbe. Sur quoi vous cédez en couple? Laure, sur quoi est-ce que t'as cédé dans ton couple? Là je viens de céder sur l'emplacement de la machine à café dans la cuisine. Ouf, pas bien. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que moi je la voulais comme ça, à droite. Moi je plaisante pas, je sais que c'est très important. Ah ouais, c'est hyper important. Et lui, parce il que moi j'avais dans le frigo. Non. Moi j'avais prévu un coin petit déj, donc machine à café, toaster, bouilloire. Non. Je sais comment vous appelez ça les filles, un coin snack. Ouais. Non mais dis pas, j'ai le même. Et lui, ça sera le coin snack. Et lui veut la mettre à gauche parce qu'il y a une prise plus près et du coup bah j'ai cédé sur ça mais pas sur la machine en elle-même. Il veut la Nespresso, moi j'ai dit non, à la Nespresso ça sera Tassimo jusqu'à la fin de mes jours. Tassimo parce que c'est celle que tu as volée au bureau. Ouais. C'est pas faux. Sur quoi t'as déjà cédé en couple, Pauline? Eh ben moi j'avais cédé sur un truc, les fêtes de Bayonne. J'avais cédé pour qu'il y aille, alors que c'était normalement hors de question. Ah ouais. Mais je lui avais fait une petite surprise. J'ai débarqué avec toutes mes copines, donc j'ai gâché la fête quand même. Bah, j'ai cédé, mais j'ai gâché la fête. C'est un peu le principe de Laure. Elle a cédé sur la place, mais un Tassimo, elle a gâché la fête. Moi, je le trouve meilleur, le Tassimo, perso. Merci à toi. Grégoire, tiens, il est avec nous au 39-16. T'es en couple ou t'as été en couple longtemps, mon Grégoire? Salut. Salut Camille, je suis en couple, ouais. En couple, alors est-ce qu'il y a un truc sur lequel, honnêtement, vas-y, lâche-toi, ouais. C'est le moment de faire le canard. Ah bah oui, sur un truc sur lequel t'as cédé. Ouais, alors j'ai cédé en fait sur un truc important, sur le prénom de notre fille. Bah quand même, oui. À la base, moi je voulais l'appeler Louise, tu vois, c'est simple et mignon. Ah. Et elle a voulu un truc super original, donc elle a choisi Aglaé, j'ai cédé, puis finalement, maintenant je trouve ça mignon, je m'y suis fait. Bah c'est mignon comme bah, tout, oui. Ouais, c'est joli comme prénom, Laure. Mais moi aussi je voulais appeler ma fille Louise. Ah, et au final, Aglaé aussi? Aglaé, finalement, voilà. Bah non, non. Mais non, toi, c'est Lily. Ellie. Ellie. Oui. La belle Ellie, Lily. Oui. On a Lila de l'autre côté. Oui. Avec Nico du bureau.

Total paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Du beau temps ce lundi sur le sud-ouest, la Méditerranée et sur les Alpes, mais toujours de la pluie des Charentes aux Ardennes en passant par la Bretagne et les Hauts-de-France. Vous aurez 16 degrés cet après-midi à Lille, Dieppe et Beauvais, 17 à Cherbourg et à Paris, 18 à Brest, Rennes et Tours, 19 attendus à Limoges, 21 pour Strasbourg, Colmar, Bordeaux et pour Biarritz, 22 à Nice et à Chambéry, 24 degrés à Lyon, à Valence et Ajaccio, 25 à Marseille, la maximale 29 pour Nîmes et pour Montpellier. Très bon réveil. Virgin Radio. Virgin Radio. Put your hands together. Virgin Radio et Lagardère Sport présentent la soirée Electro Summer. Electro Summer. Le 5 juillet à la Tour Eiffel. Virgin. Retrouvez les plus grandes stars de l'électro. Robin Schulz. Afrojack. Cassius. Nervo. Greg Boss. Bob Sinclair. Kungs. Menace. Réservez vos places maintenant sur virginradio.fr, réseau Fnac et France Billet. Electro Summer, le 5 juillet à la Tour Eiffel avec Virgin Radio. En association avec Pure Break et MyTF1. Beau gosse, il a du style, du charme et c'est votre homme. Vous êtes sûr? Proche au 72021. Est-il honnête? Est-il fidèle? Envoyez Proche, P-R-O-C-H-E au 72021 et découvrez s'il est sincère avec vous. Vous aimeriez être sûr? Envoyez Proche au 72021. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Virgin Radio. Virgin Radio. Peak Festival. Vivez le Peak Festival du 9 au 17 juillet. Ready. Écoutez en non-stop les live interviews sur la web radio 100% Peak Festival. Peak Festival, l'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli et sur virginradio.fr. Tous les matins à 8h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Soyez les bienvenus sur Virgin, j'espère que tout va bien pour vous, c'est le 20 juin aujourd'hui et j'espère que vraiment cette semaine va bien se passer. C'est la dernière semaine où on va vous accompagner, après voilà ce sera nos vacances, mais alors on est heureux vraiment depuis le premier jour on a démarré et vraiment cette semaine aussi on est complètement à fond et on va vous faire des cadeaux magnifiques, plein de surprises. Ramzy sera là avec nous, on va vraiment voilà s'éclater jusqu'à la fin de la semaine à vos côtés. N'oubliez pas aussi, hein, vendredi matin, Virgin Pool Party. Pourquoi? Il y a une piscine, il y aura la fête, c'est sur Virgin. Virgin Pool Party. Ah, tout simplement, les amis. Je m'excuse, on dirait qu'on me met un ultrason dans le casque. C'est comme quand on veut tester si on est trop âgé pour l'entendre ou pas. J'ai l'impression d'être chez l'ORL là. Et tu l'entends, donc ça va, t'es pas trop âgé. Ouais, c'est dans ma tête ou c'est dans le casque? Vous je crois l'avez que pas c'est dans ta tête, non? Autant pour moi, merci. Ça y est. Et cette voix qui me dit il faut bouter les anglais hors de France? C'est dans ma tête aussi. Autant c'est pour moi. Ouais. Merci, bonne journée. Qu'êtes-vous? Que faites-vous dans ma chambre? Pardon. Ça va vous? Sia qui va arriver dans un instant, mais je vous paye votre loyer, bien sûr, comme tous les matins. Ça non plus, on va pas oublier. On a le plus beau cadeau, toute radio confondue. C'est bien beau de vous gâter, de vous faire plein de surprises, mais celui-là, il est important pour vous. Je vois les SMS qu'on reçoit. Loyer au 7, 12, 13. On y va, c'est parti. On appelle déjà troisième tirage au soir de la matinée. Ronan, notre gagnant de 6h20, s'était inscrit. Loyer au 7, 12, 13. Sonia, pareil, à 7h20. 1500 euros de loyer déjà offert. Bonne chance à tous. Je rappelle, hein, loyer ou mensualité de crédit si vous êtes propriétaire, c'est important. Allô? Blandine? Oui. Bonjour, Blandine. Bonjour. Ça va, Blandine? Oui. Blandine, j'ai une question pour toi. Oui. Blandine, quelle est la radio que tu peux loyer? Quelle est la radio que tu peux loyer? Non, c'est pas vrai. Dis. C'est Camille et Virgine. Ah bah oui, Blandine. Non, c'est pas vrai. Oh. Elle a gagné, Blandine. Gentille, petite Blandine. Blandine, ma chérie, tu viens d'où? Bordeaux. Enfin, en dessous de Bordeaux. En Giron. La Roche-sur-Yon? Ah, Bazas. Bazas. Ça, c'est les gens du coin, il n'y a rien à dire. C'est... Oh, Bazas, sa vieille ville. Si, il y a une spécialité à Bazas. C'est quoi? Je sais plus, mais il y a une spécialité. Ah, merci. Voilà, c'est important. Le bœuf de Bazas. Voilà. Et... Non, mais j'ai la seule équipe quand même qui prend la parole pour dire non, mais attendez, il y a quand même une spécialité du côté de Bazas, c'est quoi? Aucune idée, mais il y en a. Il y a un maire aussi, je crois. Il y a un maire, me dis rien. Il y a une poste. Il y a une poste à Bazas. Il y a une cathédrale, Eh ben voilà, mais vous savez ça. Avec le rond-point là. Blandine, la petite, il est de combien ton loyer à Bazas? Il est cher, il est de 1140. Eh ben profitez-en, mais ça me fait plaisir, non, le chèque est fait. Non, mais c'est pas vrai. Oh, mais je te jure. Ah ben c'est super, non franchement, je vous écoute tout le temps, de toute façon, avec mes enfants, on rigole dans la voiture, et puis alors là, franchement, c'est le top. Eh ben t'es un ange, ma chérie. Merci à toi, notre gagnante de 8h20, c'est donc toi. Bisous, ma petite Blandine. On rajoute ton loyer, donc 2002, et sachez qu'on est déjà à 2700 euros de loyer offert. Wow. Et il reste un tirage à 9h20. Inscrivez-vous, ça se passe par SMS. Loyer au 7-12-13, les copains. Si, à Cheap Twist tout de suite. Excellent réveil. Hi, this is Tia on Virgin Radio. Virgin Tonic. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. Bienvenue sur Virgin, 8h26. Merci de nous choisir pour démarrer vos journées. Je sais que vous avez besoin de beaucoup de courage. Le lundi, encore plus. Et c'est pour ça qu'on est là. Ça nous fait très plaisir. 6h, 9h30. Avec toute l'équipe, bien sûr. Oui. Avec Ramzy qui sera notre invité pour tout le reste de l'émission. Il sera avec nous. On invite que des gens qu'on aime beaucoup ici le matin. Donc voilà, je suis sûr qu'on va passer un très bon moment avec vous et avec lui jusqu'à 9h30. Et puis alors, vous le savez, c'est notre dernière semaine. Et pour notre dernière semaine, on avait envie d'organiser un immense événement. Où que vous soyez en France, du moment que vous pouvez poser une petite journée de congé, eh ben sachez que on vous emmène, on vous paye le transport, on vous paye l'hébergement et vous venez faire une grande fête avec nous pour la dernière de l'année. Le Virgin Pool Party, on a réservé une immense villa à Aix-en-Provence avec une piscine et on va faire l'émission et ensuite on va passer toute la journée avec vous là au bord de la piscine. On va démarrer l'été tous ensemble. Le but, c'est de partager, voilà, partager des bons moments, vous rencontrer, voir le visage des gens qu'on réveille réveille le matin, rien nous fait plus plaisir. Le principe est simple, l'inscription elle est gratuite, Clément. Évidemment, elle se fait comment? Soit sur Facebook, soit que sur Twitter. Facebook. Que sur Facebook. Que sur Facebook. Twitter, ça marche pas. Twitter, voilà. C'est ce que j'allais dire, mais soit Facebook, soit Twitter. Sachant que Twitter ne marche pas, vaut mieux le faire sur Facebook. C'est ce qu'on vous expliquait avec mon parti. Vous allez sur Facebook, vous nous laissez vos coordonnées. On vous rappelle au 3916, tous les gens qui passent sur l'antenne gagnent deux places. Ouais. Vous venez avec la personne de votre choix. On a Marie qui est là, par exemple. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, je suis ravie, tu nous écoutes le matin? Bien sûr, depuis toujours. C'est une très très bonne idée. Tu fais quoi dans la vie? Je suis assistante de direction. D'accord, et tu es de quel coin? Lille. De Lille, eh bien sache que... Alors la dernière, l'an passé, on l'avait faite en direct du Zénith de Lille. Et j'y étais. Oh, t'es un ange, wow. Dès 6h du matin, Zénith à ras-bord. Et donc, on a fait dans le Nord, on s'est dit cette fois-ci l'inverse dans le Sud. Mais dans le Nord, on avait ramené des gens du Sud. Dans le Sud, on ramène des gens du Nord. On t'offre ton séjour, tout frais payé, Marie. Super, on est ravis. On en parlait avec mon pote avec qui on est venu justement l'année dernière au Zénith pour vous voir. Et il m'a dit, allez, ton défi, tu les appelles toute la semaine et tu vas y arriver. Et ce matin, c'est passé. Je suis trop, trop contente. Eh ben nous, on sera ravis de te revoir pour cette grande dernière, ma chérie. En plus, et Koums invité quand même, du soin élastique. Je peux pas tout vous dire, mais il y a encore plein d'autres surprises. On est en train de mettre tout ça en place. Je vous en dirai plus tous les matins. Ça va être une émission géniale. Comptez sur moi. Angélique sera là aussi. Bonjour Angélique. Bonjour. Elle est d'où, l'Angèle? L'équipe du Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, c'est parti. Bah, vous ferez un petit bout de chemin avec Marie, tiens. Oui, avec plaisir. Eh ben voilà, on aura des gens du Nord, des gens de l'Alsace, des gens de partout. On a des gens de Belzunce, Break It Down. On a des gens de partout qui viennent, je vous le dis. Vous êtes tous les bienvenus, les amis. L'important qu'on fasse une grande fête tous ensemble. Je vous dis, plus de 300 invités, hein. Ça va être énorme. Émilie sera là aussi. Bonjour, Émilie. Oui, bonjour, Camille. Bonjour, tout le monde. Émilie, tu seras notre invitée aussi. Rendez-vous vendredi prochain à Aix-en-Provence. Oui, avec plaisir, ma ville en fait, hein, j'habite au Mille à côté. Donc, oh bah génial. Voilà, si vous voulez on fait un petit barbecue après avec tout le monde à la maison. Voilà. Mais on organise, on passe toute la journée dans cette maison, je peux te dire, on va faire la fête tous ensemble, on va organiser voilà, une pool party énorme, on va passer la journée tous ensemble. Il y aura Lionel qui sera là aussi, bonjour Lionel. Bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Lionel, c'est gagné tes places aussi, choisis la personne de ton choix, tu seras des nôtres comme on dit. Ah ben merci. Eh ben je suis très heureux, Lionel, Émilie, Marie, Angélique, c'est gagné pour vous et on a encore plein de places à vous offrir. Inscrivez-vous sur Facebook, on veut remplir cette maison, on veut remplir Aix-en-Provence. Ouais. S'il faut inviter 100 000 personnes, nous inviterons 100 000 personnes. Ouais. Sachez-le, restez avec nous sur Virgin Radio, Disclosure, You and Me, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Un petit point sur l'actu et dans deux secondes, là il vient d'arriver et à 8h30 le voir. Il est ponctuel. Ah ouais, c'est un miracle. Hein. Ramzy est notre invité, qu'est-ce qu'on l'aime, il sera avec nous, il va faire toute l'émission avec nous les copains. Bon réveil à tous, c'est Virgin Radio. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, encore des averses aujourd'hui des pays de la Loire aux Ardennes en passant par les Hauts-de-France, la région parisienne et la Bretagne. Ce sera plus ensoleillé sur la moitié sud ainsi que sur le nord-est. 17 degrés cet après-midi à Paris, vous aurez 20 à Bordeaux, 24 à Marseille. La reprise des épreuves du bac ce lundi avec les sciences économiques et sociales, la littérature ou encore les mathématiques. Vendredi, c'était la langue vivante et des lycéens ont eu de grosses difficultés avec l'anglais. Ils ont lancé une pétition sur le site change.org pour obtenir une modification du barème. Pétition qui recueille ce matin déjà plus de 13 000 signatures. En Algérie, ce sont près de 400 000 candidats qui repassent le bac depuis hier après une fuite de sujets début juin sur Facebook. Des dizaines de personnes, dont des cadres de l'éducation nationale, ont été arrêtées, soupçonnées d'être impliquées dans ces fuites. Pour éviter toute nouvelle tricherie, l'Algérie a carrément coupé l'accès aux réseaux sociaux. En Italie, la populiste Virginia Raggi, portée à la tête de la mairie de Rome, à 37 ans, la candidate du mouvement 5 étoiles, a été élue avec plus de 67% des voix. Le parti populiste a aussi décroché la mairie de Turin avec une autre novice en politique âgée d'à peine 31 ans. L'examen des boîtes noires du vol d'Égyptair a débuté. Les cartes mémoire ont pu être extraites des enregistreurs de vol et de conversations entre les pilotes. Elles ont été séchées pendant 8 heures dans un centre de l'armée. Leur analyse permettra peut-être de faire la lumière sur les causes du crash du vol MS-804 le 19 mai dernier entre la Crète et le nord de l'Égypte avec 66 personnes à bord, dont 15 Français. Reprise de la campagne pour le référendum au Royaume-Uni. Les Britanniques diront jeudi s'ils veulent sortir ou rester dans l'Union européenne. Ce matin, les deux camps sont exactement à égalité. Les sondages voient un glissement en faveur du maintien suite au meurtre de la députée pro-européenne Jo Cox. Son meurtrier sera entendu ce lundi par les juges. Plus que 3 jours avant Electrochoc, la 6e édition de la plus grosse soirée électro se passe à Lyon. 12 000 auditeurs se retrouvent jeudi à la halle Tony Garnier pour vivre l'événement avec Cassius, Flume, The Avner, Synapson, Quasi Lambiste et plein d'autres. Electrochoc à vivre aussi jeudi soir sur Virgin Radio. Et puis l'Euro 2016, la France a fait match nul 0 partout hier soir contre la Suisse, mais a sauvé l'essentiel, la première place de son groupe en vue des 8e de finale. L'objectif est atteint, estime Didier Deschamps. Les Bleus joueront leur prochain match dimanche après-midi à Lyon. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon éveil les amis. Salut Ramzy. Salut à tous les amis, bienvenue sur Virgin Radio. Mets-toi là-bas, on t'a vu un casque. Ramzy, on est en train de se dire bonjour. Hein. Il vient d'arriver, les amis. Et alors là, vraiment, on est ravis. Je vous souhaite bon courage à vous qui ouvrez les yeux. Courage à vous qui êtes déjà au travail depuis un bon moment. Il va faire toute cette émission avec nous. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Ramzy, oui, notre invité. Ramzy, c'est notre invité. Ramzy, c'est notre invité. Installe-toi, prends un café. Vas-y, détends-toi. On va t'ouvrir la radio. La radio. Tu vas pouvoir chanter. Attends sur ce refrain. Il est pour toi et ça se voit improvisé. Bacan. Ramzy, Ramzy, c'est notre invité. Ramzy, Ramzy, c'est notre invité. À chaque fois qu'on on réannoncera Ramzy, il y aura une nouvelle chanson. Ah, génial. Je n'ai jamais été accueilli de ma vie comme ça. C'est génial. Ça te fait plaisir? Ah bah, j'adore, merci beaucoup. C'est bien, hein. Je l'ai prévenu il y a quoi, 40 secondes du coup. Tu sais quoi, on va aller la déposer. Mais vous êtes... Et on est tellement heureux de t'avoir ici. Ah, je suis content de venir aussi. Oh non, mais vraiment. Alors, je le répète, mais c'est vrai. Nous, on va dire beaucoup de bien Ramzy, mais parce qu'on reçoit que des gens qu'on aime beaucoup ici. Et pas beaucoup. Vous recevez pas beaucoup de gens. Très peu. Oui. 5 personnes en a eu. Je suis très honoré, Camille et toute son équipe. Merci. Ça nous fait plaisir. Vraiment, on est très heureux. On va parler. Alors, un film qui arrive pas tout de suite, mais très vite quand même. C'est le 6 juillet. C'est ton premier long métrage, Hibou. C'est ça. Oh là là là. C'est un premier film que j'ai écrit, premier film que j'ai réalisé, enfin que j'ai écrit seul, réalisé seul, joué seul, et que je viens vous voir seul. C'est un bébé quoi. C'est un bébé, ça fait bizarre, il me manque quelqu'un. D'habitude je suis avec Eric, parce qu'on est deux, et que quand j'ai un peu peur, je me repose sur lui. Là je suis tout seul avec vous, je suis content, je suis bien accompagné. Là. Mais non, mais t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Ramzy, c'est notre invité. J'espère que t'aimes chanter. On chante beaucoup ici. Hein. J'adore. Je viens de me lever, je m'attendais à une rubrique internet, un mec qui nous fait attention. Les interflou aujourd'hui, ils sont un peu flous. Tu vois, hier, qu'est-ce qui s'est passé à la télé? Non. Alors, bon, j'ai toutes les rubriques, on va voir. Comment? Non, c'est bon. Non, il n'y a aucune rubrique chez nous. Il n'y a pas de. Super, j'adore. Ah non, nous, c'est pas. Ah, non, parce que qui dit rubrique dit bosser un peu en amont. Ouais, et c'est pas le fort de l'équipe. Pas, non. On n'est pas là-dessus, tu vois. Comme tu l'entends, même les chansons sont pas préparées. On part, on a un médiator, une guitare et beaucoup d'envie. Ouais, c'est à peu près tout ce qui tourne dans cette émission. 8h36, les amis, on va écouter Disclosure dans un instant. Mais avant, le réponse à tout de Clément Lincrus. Et alors, vraiment, Ramzy, jusqu'à la fin de l'émission avec nous, on part à du film et puis de tout, vous nous appelez 3916, on discute tous ensemble, c'est parti, réponse à tout. Tonic. Réponse à tout, parce qu'on a réponse à tout. Alors ça, c'est le seul truc qu'on prépare tous les matins, mon Ramzy, c'est Clément qui descend dans la rue et qui pose des questions aux enfants. Exactement, j'aurais demandé ce qu'était une grève. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une grève et pourquoi il y en a beaucoup en France? Bah c'est quand les gens ils veulent plus travailler, donc ils sont pas contents et ils jettent des objets sur la rue et ils vous réclament de l'argent, un nouveau travail, et ils bloquent les trains. Non, c'est parce qu'ils sont pas contents de leur travail qu'on les paye pas assez. Et vous, vous faites grève à l'école ou pas? Non, jamais, sauf si il y a vraiment un problème, moi je fais grève. Si on doit aller en vacances. Moi, quand j'étais en grande section, il y avait les maîtresses qui faisaient grève, mais il y avait ma maîtresse, elle a pas voulu faire grève, j'étais pas contente. J'étais la seule à aller à l'école. Donc c'est bien la grève ou pas quand t'es élève? Ouais, bah parce qu'on travaille pas. Trop cool. Non, parce que quand tu plus tard, vous aurez pas de travail. Mais tu loupes juste une journée, c'est pas grave. Si c'est non, c'est pas très grave vu que si la maîtresse parfois la maîtresse elle a parce que parfois aussi les maîtresses elles ont le droit de faire grève vu que parfois on les paye pas assez alors elles veulent être payées plus. Et tu penses que si tu rates une journée d'école, tu peux rater toute ta vie? Oui, peut-être. Mais oui, mais parce qu'il y en a qui goûtent à la joie de plus travailler alors ils arrêtent pendant 3 mois, 3 années, 3 ans. Le réponse à tout. Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin. Bienvenue sur Virgin Radio. Qui est notre invité? Ramzy, c'est notre invité. Restez avec nous, on parlera du Fumibou, on parlera de tout ce qui vous intéresse. 3916, vous pouvez nous joindre. Tiens, on voulait des garçons et des filles savoir si vous avez regardé Dirty Dancing ou le foot hier soir. On en parlera avec vous le temps d'écouter Disclosure, You and Me. Bienvenue sur Virgin Radio, bon réveil. Virgin Radio, merci de nous être fidèles et plus nombreux chaque matin, lundi, aujourd'hui, si vous avez besoin de courage. C'est pour ça qu'on est là, chaque jour, 6h, 9h30, c'est le 20 juin. Et on espère que tout va très très bien pour vous. On a des cadeaux magnifiques à vous offrir encore. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? Tablette, smartphone? Non, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a? Smartphone et séjour à Center Park. Ouais, okay. Trop bien. Il n'y a rien à voir, mais au moins si vous embêtez à Center Park, vous aurez le smartphone pour appeler. Voilà, n'hésitez pas, c'est au 3916. Et alors, on est très heureux ce matin. Il vient nous présenter son film Hibou qui sort très très vite, hein, en plein été le 6 juillet. Vous pourrez aller voir le premier long métrage et il est magnifique ce long métrage de Ramzy. On est tellement heureux qu'il nous fasse le plaisir d'être là ce matin. C'est notre invité, Ramzy. Ramzy est avec nous. Ramzy est avec nous. Ramzy est avec nous. Ramzy est avec nous. Ramzy est avec nous. Ramzy est avec nous. Pour nous parler de son film Hibou. Et il y aura une chanson par présentation. À chaque fois qu'on présentera Ramzy, il aura une nouvelle chanson. Toutes les 3 minutes à peu près, restez avec nous. Je voulais vous dire, c'est mon meilleur réveil depuis des années. Vraiment, sincèrement, c'est vrai. Et est-ce que t'as regardé le foot hier soir? Oui, j'ai regardé la France et j'ai regardé la Roumanie en même temps. Ouais, comment? Deux télé. Donc, comment une ça dans le salon et une dans la salle à manger. Une belle année. À l'ancienne. Et parce qu'on parlait quand même, on s'est dit hier soir ça devait être la guerre absolue quand t'es en couple ou quoi, parce qu'il y avait quand même Dirty Dancing sur TF1. Ah ouais. Et d'accord. Mal. Et quand t'as qu'une télé comme moi et le foot, voilà, sur l'autre chaîne, donc on s'est demandé qui avait gagné à la maison entre Dirty Dancing et le foot. Bon, chez moi, Dirty Dancing. Rapport au manque de courage, pour affronter la personne. Donc moi, ça a été Dirty Dancing, à titre personnel. Mais j'ai le droit de regarder l'équipe quand même avec les résultats du foot. Oui, ma petite Pauline. Eh ben, dis-toi, hier j'étais avec 4 copines et on a regardé le foot. Comment? Alors qu'on aurait pu, bah parce que en fait on a déjà vu Dirty Dancing 1000 fois et par contre on a passé la soirée sur les portables à essayer de comprendre des trucs. Ah non mais attends, Dirty Dancing quand ça passe, je vais te dire un truc, la Tour Montparnasse infernale. Ouais. Dirty Dancing, la cité de la peur. Ouais. Et ma chérie, la boum, ça peut passer, on a pu le voir il y a deux jours avant quand ça passe à la télé. Tu regardes Retour vers le futur aussi. Ah, bien sûr. Ah, les amis, ça passe, on connaît, mais tu regardes, ouais. Clément. Même moi, j'avoue, j'ai zappé pendant la pub et je suis resté un peu sur Dirty Dancing. Bah, ouais. Tu vois? Ouais. Bah, non, mais j'ai un problème, c'est que j'ai 2 secondes de retard sur le bar d'en dessous. Ah, moi j'ai pareil. Mais c'est horrible, c'est chiant parce que quand j'ai le but avant. L'autre jour. Moi ça me le fait, ça aussi, je l'ai chez moi avec mes voisins. Pour un pénalty, c'était horrible. C'est-à-dire que j'ai su avant que Ronaldo il loupait un pénalty avant ma télé. Il a posé le ballon, tout le monde a fait oh non. Ça c'est pas bon, ça c'est horrible. Ça te pourrit la soirée. T'as regardé quoi toi alors, tu m'as dit? Bah, moi j'ai trouvé une fausse embrouille, un faux sujet d'embrouille et je me suis embrouillée avec mon mec. Je suis allée voir Dirty Dancing, il a regardé le foot. Tout le monde était content. Ah, l'amour. Bah oui. C'est quand même quelque chose. Marie, ma chérie, est-ce que t'es en couple au 3916? Salut, oui, je suis en couple. Ça va bien? Ouais, ça va très très bien. Est-ce que tu sais qui est notre invité? Figure-toi que notre invité c'est... Ramzy, c'est notre invité. Ramzy, c'est notre invité. T'aimerais pas l'avoir toute la journée? J'adorerais l'avoir, j'adore. Alors, je pense qu'à un moment, ça sera pénible quand même. Non, mais alors là, tu dis mon nom, donc ça passe. Hein. Si tu te présentes quelque part, il joue de la guitare j'adorerais. Derrière. Ça serait magnifique. T'as regardé quoi, Marie? Est-ce que c'est toi qui as gagné? T'as regardé Dirty Dancing ou le foot? Eh ben écoute, c'est moi qui ai gagné, j'ai regardé le foot. Ah, pourquoi? Tu voulais regarder le foot? Ah, moi je voulais regarder le foot, lui déteste ça et c'est moi qui ai gagné. Quand même incroyable. Oui. Ouais, mais pourquoi j'ai la seule chérie qui est normale? Et tu veux regarder Dirty Dancing, oui, Laure? Non, mais c'est pas ça, c'est à bas les clichés. Maintenant, les filles aiment bien le foot. Regarde, Ginger, ah ouais, elle adore le foot. Ouais. Ma sœur, elle aime bien aussi le les bagarres russes. Ginger, elle a une Harley Davidson, elle a un couteau papillon sur elle. Enfin, je veux dire, vous prenez pas le meilleur exemple. La dernière fois, je lui ai dit, ouais, il manque un tweet sur un truc, elle m'a pris un coup de poing américain. Vous prenez pas le meilleur exemple. Pauline, au standard. Mais non, mais justement, détrompe-toi. Moi, j'ai compris un peu ce que vous ressentiez hier quand ils sont prêts à marquer et que ça marche pas. Je jure, moi, ça me rend folle maintenant. Ouais. Je comprends un peu ce que vous ressentez. Ok, bon, vraiment, je suis le seul mec devant Dirty Dancing. Et Ramzy, notre invité. Alors, vous le savez, peut-être pas de chanson tout de suite là. C'est parti. Alors, j'ai peur qu'à tout moment, il y ait une chanson qui débarque. Et Ramzy, on voudrait parler aussi d'un truc, c'est quand même génial. T'es ambassadeur de la fête du cinéma du 26 au 29 juin? Ambassadeur de la fête du cinéma du 26 au 29 juin, effectivement. Il vient de l'apprendre apparemment. Ah, c'est génial. Ah oui, oui, oui, bien sûr. Non, mais ça fait quoi d'être ambassadeur? Oui, tu vas faire des soirées avec des Ferrero Rocher? Non, non, tu as fait ça, mais c'est rien en vérité. C'est-à-dire, j'ai fait une conférence de presse où je répondais à des gens. Et puis, j'irai à une autre truc le matin. Ça fait 2 choses pour être ambassadeur, franchement. Franchement, c'est cool, hein. Je suis venu encore diplomatique. C'est vrai? Ça a ses avantages pendant 4 jours. C'est du 26 au 29 juin. Alors, c'est avec Virgin Radio en plus et c'est 4 euros la séance. T'as vu ça? Alors, ce qui est bizarre, t'es ambassadeur et le film sort hors fête du cinéma? Ou c'est un ambassadeur préventif, je sais pas. ambassadeur d'avant, quoi. Ambassadeur. C'est pour annoncer, quoi. Pour annoncer, voilà. Ouais, bien sûr. Et le film de Ramzy, il est magnifique. On a eu la chance de le voir. Les amis, ça s'appelle Hibou. Ça sortira le 6 juillet. Ramzy reste avec nous, bien sûr, jusqu'à la fin de l'émission. Avec très grand plaisir. Et avec beaucoup de chansons. Et avec beaucoup d'humour. Bien sûr. Et beaucoup de café. Il va falloir du café, les amis, bien sûr. 5 heures, ça se voit pas à la radio, mais je te

Mais c'est pas une vanne, je te jure, j'ai rien fait. Non, c'est... On l'a toujours connu frêle, fragile, et alors là, aujourd'hui, mais c'est... il est prêt pour les films d'action, là. Balèze et solide. Ah ouais, non, mais là, Tekken 4, c'est avec Ramsey. Bon, celui qui se fait kidnapper, mais quand même. Il peut être... se violer. Les amis, merci d'être si nombreux avec nous. On parlera bien sûr du film Hibou qui sort le 6 juillet, qui est magnifique, le premier film de Ramsey. Et pour le moment, j'aimerais qu'on accueille Elena au 39-16. Salut Elena. Salut Camille, salut toute l'équipe. Et salut Ramsey. Elle t'a dit salut Ramsey. Oui. Je mettais mon casque pendant que tu disais salut. Bonjour. Bonjour. Les amis, on va jouer avec toi, ma chérie, pour un très beau cadeau. Un séjour pour 4 personnes à Center Park, au cœur de la nature, et le smartphone Arcos 50 Cobalt, édition limitée, équipe de France, les deux cadeaux en un. Il va falloir pour ça que tu gagnes, c'est pas pour rien qu'ils sont déguisés, au Virgin Gospel Quiz. Merci à vous. Eh oui, l'abbaye du pop rock électro est juste à côté du studio. Et donc, on a la chance d'avoir la chorale gospel qui vient nous rendre visite de temps en temps. Il pose des questions sur des airs de chorale. Il va falloir que tu retrouves au moins deux bonnes réponses. D'accord, ma belle ? Ok, pas de problème. Attention, on y va. Premier extrait. Ramsey pourra t'aider, bien sûr. C'est parti. C'est à vous, la chorale. Alléluia ! Alléluia ! Combien de points ? Combien de points ? Tenu l'équipe de France, l'équipe de France, dans leur poule de l'euro, poule de l'euro, contre l'Albanie, la Suisse et la Roumanie, la Roumanie, et qui termine en premier, termine en premier. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Elena, la question, tu l'as compris. Oh là là. On a combien de points à l'heure actuelle l'équipe de France dans 7 euros? Ah, je suis plus Dirty Dancing, mais je crois que c'est 3, je suis pas sûre. Ah, et ben écoute, pas du tout. Oh merde. Pas oh du non. tout. On sent vraiment le côté Dirty Dancing, c'était 7 points. Ah d'accord, bon bah voilà. Ouais, bah. Non, je suis pas à foutre. Non, mais sinon on passerait pas les poules, ma chérie. Alors attention, c'est pas grave, il te reste deux questions et tu n'as plus droit à l'erreur. On y va, c'est parti. Elena, deuxième extrait, je vois Ramsey qui dit ça chante énormément dans cette émission quand même. Là, je me mettais à la place des auditeurs pour le matin, c'est bien. C'est bien, je trouve. Très bien le matin, ça me donnerait la pêche. Ouais, ça réveille. On y va les amis ? On y va. Ouais, c'est parti, deuxième extrait. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ce journaliste Moins con, impertinent qui présente un journal pas grand, un journal pas grand qui quitte Canal pour TF1 à la rentrée. Alléluia. Alléluia. Elena, ma chérie, c'est facile, hein. Ouais, là, c'est Yann Barthès. Eh oui, c'est Yann Barthès. Bonne réponse, exactement. Tout va se jouer là. Attention, le suspense. On est à 200 à l'heure, là. Ah, mais là, écoute, là, vraiment, tout va se jouer là. Le Center Park avec le téléphone. Ah ouais. Si tu trouves la réponse à cette question, on y va une dernière fois à la gospel. Gospel. Vous donnez tout. Les amis, dernière question. Il faut que tu aies la bonne réponse, Elena. On écoute. Ah ouais, je connais pas. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Dans quelle ville du sud de la France, sud de la France, on va faire une pool party, une pool party pour la dernière de l'année, dernière de l'année, dans laquelle Laurel va faire un saut élastique. Ouais, bien sûr, compte sur moi. Vous auriez pu le faire en chantant. Allez, Elena, ma chérie, où va se dérouler la dernière du Virgin Tonic, la dernière de la saison, avec plus de 300 auditeurs invités de toute la France? La honte si je me trompe, Aix-en-Provence? Eh oui, c'est à Aix-en-Provence qu'on fera notre pool party. Les amis, l'inscription se passe sur Facebook gratuitement. Elena, c'est gagné. Bravo. Oh, Merci, vous êtes énorme, vous êtes les meilleurs, je vous adore, je vous écoute depuis au moins 10 ans, enfin pas vous, mais Virgin Radio et Europe 2, et voilà, c'est énorme. Eh ben t'es un ange, ma chérie. Séjour pour toi, pour 4 personnes à Center Park, au cœur de la nature, balade en forêt, activité aquatique, spa. Tu feras tout ce que tu envies. Le smartphone Arcos 50 Cobalt, édition limitée, équipe de France, c'est pour toi aussi, ma belle. Eh ben merci, un énorme merci, merci, merci, merci. Eh ben ça nous fait extrêmement plaisir. Je t'embrasse, Elena. Bravo au groupe de gospel. On va se retrouver là dans un instant. Enfin, point sur l'actu. Ramzy qui est notre invité. Ramzy qui va payer votre loyer à 9h20. C'est mort de rire. Excuse-moi, je suis encore dans le spa. Après-midi en spa. Les amis, restez avec nous. Il y a plein de petits trucs que j'ai trouvé sur internet. On le fera découvrir à Ramzy. Il nous dira s'il était au courant de ça. Restez là. Vous êtes dans le Virgin Tonic. Comment ? Je suis au courant d'internet. On va lui montrer internet. On va voir si ça le fait kiffer. Enfin, probable pour un con. Je suis internet. Ok, Ramzy, tu viens d'Algérie. Tu n'as pas internet. Tu vas voir, c'est génial. Enfin, Camille, tu me dis bien que j'ai déjà vu Google dans ma vie. Enfin. Restez avec nous. On revient sur Virgin Radio. C'est le 20 juin. Bon courage. Virgin Radio, il est 9h. C'est l'heure de profiter d'un crédit vraiment exceptionnel dans le réseau d'Asvelt Auto. Les occasions des marques Volkswagen, véhicules particuliers et utilitaires, Seat et Skoda. Plus d'informations sur dasveltauto.fr. Électrochoc, Lyon, J-3. Pop, rock, électro. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, ce sera l'été cette semaine, mais pour l'instant c'est toujours un temps d'automne sur le nord avec de la pluie des Pays de la Loire aux Ardennes, de la pluie demain pour la fête de la musique à Paris, des éclaircies sur l'Alsace, les Alpes, le Sud-Est et le Pays Basque. Nouvelle journée d'épreuve au baccalauréat, les sciences économiques et sociales, la littérature ou encore les maths ce lundi. Des candidats ont lancé une pétition ce week-end après l'épreuve d'anglais de vendredi jugée trop difficile. Une pétition en ligne sur le site change.org qui dépasse ce matin les 13 000 signatures. 67% des Français ne veulent toujours pas de la loi travail, mais la majorité reconnaît en même temps ne pas vraiment connaître son contenu. Sondage Harris Interactive pour LCP Assemblée Nationale. Deux nouvelles journées d'action sont prévues contre le texte de Myriam El Khomri ce jeudi 23 juin puis dans 8 jours, le mardi 28. À l'étranger, le mouvement populiste 5 étoiles qui s'empare de deux grandes villes en Italie, Turin et la capitale Rome, deux villes qui tombent aux mains de deux femmes de 31 et 37 ans, un camouflet pour le parti démocrate de Matteo Renzi qui a promis de démissionner en cas d'échec au mois d'octobre lors d'un référendum sur la Constitution. L'avion Solar Impulse 2 a décollé ce matin de New York, cap sur Séville en Espagne, une traversée de l'Atlantique périlleuse qui doit durer 4 jours, l'étape la plus longue de son tour du monde. Le pilote suisse Bertrand Piccard est seul aux commandes de l'appareil. Plus que 3 jours avant Electrochoc à Lyon, 12 000 auditeurs réunis pour la plus grosse soirée électro jeudi à la halle Tony Garnier. Sur scène, The Avener, Cassius, Flume, Synapson, Casi Lambiste et plein d'autres. Soirée à vivre aussi jeudi à partir de 21h sur Virgin Radio. Les Experts est la série la plus regardée dans le monde. Près de 45 millions de téléspectateurs devant The Big Bang Theory, 44 millions de fans et Amour, Gloire et Beauté, 14 millions d'accros. Le palmarès a été dévoilé au Festival de télévision de Monte-Carlo. À propos de télé, la diffusion ce soir sur France O de Michael Jackson's This Is It, le docu de près de 2 heures sur les répétitions du show que préparait Bambi au moment de sa mort le 25 juin 2009. L'Euro de football, match nul 0 partout pour France-Suisse hier soir près de Lille. Les Bleus terminent premier de leur groupe. L'objectif est atteint selon Didier Deschamps. Cette première place va permettre à la France de jouer son 8e de finale dimanche à Lyon contre une équipe arrivée en 3e position du groupe C, D ou E. L'Italie et la Suisse sont aussi qualifiées pour la phase finale alors que l'Ukraine et la Roumanie sont éliminées. Ce soir, 2 matchs, Slovaquie-Angleterre et Russie-Pays de Galles. Voilà pour l'actu. Belle journée. Un grand merci de nous avoir choisi le Virgin Tonic. C'est 6h, 9h30 chaque matin avec toute l'équipe qui est là, bien sûr. Oui. Lundi 20 juin, beaucoup de courage à vous qui êtes encore sur le chemin du travail. D'autres ont commencé depuis bien longtemps. On pense très très fort à vous. Ramzy est notre invité ce matin. Un bonjour, aujourd'hui, une chanson. Aujourd'hui, on a Ramzy. Sur de la vanne top. Et tous ensemble, on va lui dire merci Ramzy. Merci Ramzy. Ici, Ramzy, la la la la la, la, ça va durer comme ça jusqu'à 9h30, jusqu'à 9h30 avec Ramzy. Oh yeah! Eh oui, Ramzy est là! Un bonjour, une chanson! J'ai bien fait de venir. Ah ben, je suis heureux. Et on est très heureux que tu sois là. Alors tu viens parce qu'on t'aime beaucoup et que voilà, on reçoit pas grand monde, mais alors on est très heureux de t'avoir. Et puis surtout le 6 juillet. Mais alors Ramzy, il vient quand il veut, il le sait. Et là, ça tombe bien parce que dans quelques jours maintenant, le 6 juillet sort le premier film de Ramzy, Hibou. Hibou. Est-ce que tu nous le pitcherais pas alors? C'est très simple, c'est un type qui n'a aucun charisme, c'est un type qu'on voit pas, qui bosse dans un bureau, enfin dans je un bureau comme vous ici, mais qui a beau parler et que personne l'écoute. Donc il en a un peu ras-le-bol et dans la réserve de l'entreprise, il trouve un gros costume de hibou qui doit servir à la fin de la, pour les spectacles de fin d'année. Il le met en se disant, bon bah ils vont venir de bouffer, ils vont me voir là que j'ai un costume et ils vont me dire, qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. Et en fait, personne ne voit que j'ai un costume, donc je décide de le garder dans la vie jusqu'à que quelqu'un me voit, ça m'énerve, et personne ne me voit même dans la vie, ça me déprime. Et je rencontre dans le métro un panda, une fille. Une panda. Une panda. Une panda, exactement. Et là découle évidemment la romance. La romance, l'amour, la tendresse. Et c'est un film très poétique et très très beau. Je peux vous dire, foncez le voir, c'est avec Élodie Bouchèze qu'on ne voit pas assez. C'est avec Élodie Bouchèze qui est très rare, avec Franck Gastambide, mon pote. Ouais, bien sûr. Avec Guy Marchand, avec Philippe Catherine et Sean Penn. J'ai menti. J'ai menti pour un mec, c'est vrai. Putain, c'est Franck Gastambide. Vous verrez, allez voir le film. Il y en a qui n'est pas vraiment dans le casting, Laure. Avec une petite apparition d'Eric aussi. Ah, je peux pas me passer d'Eric. Bah non. Même si on fait nos trucs tout seul, on est obligé de faire. Petit clin d'œil. Bah bien sûr. Et pareil, t'es souvent dans la série Platane aussi. Ah, exactement, ouais. Série Platane qui prépare la troisième saison. Ah, exactement. Ouais, génial. Et oui, ils font un petit peu de leur côté, mais en même temps, ils ne se perdent pas. C'est comme moi avec vous, l'équipe. Je fais d'autres trucs à côté, mais vous êtes jamais très loin. Ouais. Malheureusement. Jamais. T'es toujours dans le coin. Les amis, j'ai trouvé plein de choses sur internet. Je voulais les faire partager à Ramzy. Parce que je pense que ça va vous permettre de briller à la machine à café. Ça, c'est des infos, vous ne les aurez qu'en écoutant le Virgin Tonic. Vous pouvez pas les avoir autrement. Et tout ce que je vais vous dire est surprenant, mais vrai. Ok. Ramzy, par exemple, est-ce que tu connais Nigel? Nigel? Nigel? Non. C'est un perroquet. Ouais. Un perroquet anglais. Un beau jour, il a fugué, il y a de ça quelques années. Il est revenu 4 ans plus tard chez son propriétaire. Donc, du coup, il était dans le jardin, le propriétaire l'a remis dans sa cage, il était heureux de le retrouver. Ouais. Et particularité, après ses 4 ans partis, on ne sait pas où, eh ben, il parlait espagnol. Wow. C'est énorme. Il est parti en Erasmus en fait. Non, mais c'est pas. C'est énorme. Il a dû tellement voler, tomber voilà, dans une famille espagnole, espagnole ou quoi, et il s'est retrouvé, il parle espagnol le perroquet. Ouais. Ah, c'est incroyable. C'est un truc de fou, franchement. Ah ouais, c'est un truc de fou. Bah, voilà. Je suis arrivé au hibou. Ouais, tu vois, hibou, je me suis dit, tiens, c'est une bonne info le perroquet. Ouais. Apparemment, ça emballe pas Ramzy, mais. Il est estomaqué. Je dis la vérité. Ouais. J'ai pas trouvé ça ouf. Mais ouais. J'essaie de faire un rapport, tu vois. Je me suis dit, il bouge, j'ai vu le truc perroquet. Je me suis dit, tiens, c'est pour nous, c'est pour Ramzy. C'est très gentil de ta part. Allez, une chanson pour Ramzy. Notre invité aujourd'hui, c'est Ramzy. Notre invité aujourd'hui, c'est Ramzy. Il est tout beau, il a pris son petit café et maintenant il va de nos propres vannes. Alors comment on va faire? Attends, est-ce que j'avais pas pris de café? C'est le ramadan. Ah, mais non. Mais oui, c'est vrai. Ah non. Il a rien vu du tout, rassurez-vous, il a rien vu du tout. J'ai une autre info géniale sur une grive qui vend. Non, je plaisante. Qui a prévu que des infos sur les oiseaux. Bon, là, on est. Alors, vous savez que la Bartavelle migre au mois de mars. Ça, c'est. Je suis excité à faire ça. Vous savez que les pigeons et tout, ça, apparemment, c'est. Ouais, gros. Ils sont vénères. Ouais. Ok, bide. Non, alors, est-ce que vous savez que les enfants font moins confiance aux personnes qu'ils trouvent moches? Bah ouais, c'est horrible. Bah, les adultes aussi. Non. Bien sûr que si. Mais pas si du tout. Tu fais un entretien d'embauche, t'as deux personnes, tu feras plus confiance à la plus belle. Ah ouais. Ah, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Moi, je vous dois. Vous allez en entretien d'embauche, ne vous mettez pas trop sexy, les filles. Ouais. C'est ce que a marché pour les filles de l'équipe. Non, c'est vous pouvez le voir. Oui, Laure. Moi, j'ai choisi mes nounous comme ça pendant des années. Je les choisissais que moches. Et ça dépend les nounous, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est Juju qui la raccompagne. Donc. Mais les enfants ont moins confiance aux gens moches. Ils voient ce côté-là. Oui, Clément. Moi, j'ai choisi ça sublime. En même temps, j'ai pas d'enfants. C'est pas simple. C'est des babysitters pour moi. Ramzy, une réaction? Une note de 0 à 5 baskets sur ma news. Sur les enfants qui préfèrent les roues. Sur 5 baskets, 3. 3 ah, on est pas au-dessus de la moyenne. Le perroquet, on est à combien? On n'y était pas. On était en sandales. Parce que je vois qu'il vous en reste d'autres et je vois qu'on en reste une. Celle-là, je vous dis, celle-là, est bien. Celle-là est vraiment bien. Aïe, aïe, aïe. Moi, je la trouvais bien. Ok. Mais je vais la faire dire alors quand même. Quand on prend un bain. Ouais. Je veux dire, je vais le découvrir sur internet. Ouais. Quand on prend un bain, on peut mettre de la mousse ou pas de mousse. Mm-hmm. Ah, ouais, d'accord, ouais. C'est tout. C'est l'info. Eh ben... J'étais persuadé qu'on était obligé d'en mettre, moi. Je sais même pas si la news est pas mieux si je m'arrête. Ouais. Quand on fait de la mousse dans le bain, ouais, okay, ouais, ouais, mettez de la mousse dans votre bain, ouais, et ben votre bain reste plus chaud parce que la mousse isole la chaleur. C'est pas vrai. Mais attends, le mousse, c'est ça m'a surpris. Ah bah c'est une vraie info. Oui, ça m'a hyper surpris. Oui, Pauline au standard. On le saura, si on veut rester plus longtemps, on met de la mousse. Merci Pauline d'être avec moi. Tu sais quoi, là, à ce moment-là, tu le vois dans ma tête que j'ai besoin d'un soutien et t'es là. Tu sais quoi, je l'oublierai pas ça. Mais là, tu t'appuies, c'est dur là. Je suis là. Ramzy, une note à cette info. Je pense que ça doit être de la mousse de polystyrène. Jingle. J'ai une dernière info. Je connais la chanson. C'est vraiment, hein, c'est des chercheurs anglais qui ont fait ça, donc rien n'est inventé. Ouais. Ouais. La chanson qui est la plus simple à reconnaître au blind test. C'est-à-dire qu'en deux notes à peine, c'est la chanson qui est la plus reconnue dans un blind test. Laure, c'est quoi d'après toi ? Francis Cabrel. Francis Cabrel, non, ça c'est que pour moi. En français ou en international ? On est sur de l'international, tu sais, moi je vois grand. Ouais. D'après toi, Ramzy ? Michael Jackson ? Non ! C'est pas Michael ? Clément. The Verve. Non, l'autre là, ce qu'on chante dans les stades là. Ça aurait pu être ça. Eh ben non, je vais vous la faire écouter tout de suite. Est-ce qu'on l'a ? Oui, magnifique. Écoutez. On n'a pas mis le début. Écoute, me pourris ça. Je vis déjà pas un moment facile. On est en direct. J'essaie d'intéresser notre invité. Il est à côté. Non, la dernière, elle me plaît. C'est vrai. Ça me plaît. Stan Smith me fait des classiques. Équitable. Il est temps que cette année se termine. Les amis, restez avec nous. Ramzy, tu vas payer le loyer de quelqu'un. Avec votre argent. Avec notre argent. Avec plaisir. C'est toi qui passeras l'appel. On va avoir un dernier chanson, une dernière chanceuse qui va passer sur l'antenne loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. N'hésitez surtout pas. Ramzy est notre invité ce matin. Oui. If you wanna be my Ramzy. Faire l'anglais. If you wanna be my Ramzy. Break and broke my hair. Les amis, restent avec nous. Je peux casser mes cheveux, il a dit. I can broke my hair. J'ai fait du yaourt. T'as dit I can broke my hair. Ouais. C'est la guerre aux cheveux secs et cassants, bien sûr. Faites attention. Les amis, qu'est-ce qu'on écoute tout de suite ? Martin, t'as envie d'écouter quoi ? Tout de suite, on écoute Justin Timberlake dans une chaise tonique. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance.

9h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. C'est lundi aujourd'hui, excellent réveil, lundi 20 juin. Je sais qu'il vous faut beaucoup de courage pour démarrer cette nouvelle semaine et c'est pour ça qu'on est là et ça nous fait très plaisir. 6h, 9h30 chaque matin, toute l'équipe est ici. Oui. On a un invité ce matin, mais qui c'est ? 1, 2, 3, 4, voici Ramzi, voici Ramzi, voici Ramzi, voici Ramzi, voici Ramzi, voici Ramzi, voici Ramzi, voici Ramzi, voici Ramzi, voici Ramzi, voici Ramzi, voici Ramzi, voici Ramzi, voici Ramzi. Je suis trompé. La fin pourrie, quoi. Les amis, Ramzi qui est venu et ça nous fait extrêmement plaisir. Il y a des... Tu rends compte, ça fait déjà une heure que t'es là? Je n'ai pas vu le temps passer. Ah ben ça nous fait plaisir. Et, comme un fou. Et allez voir le premier film, hein, d'ailleurs, son tout premier film à Ramzi, il sort le 6 juillet. Ça s'appelle Hibou. C'est magnifique parce que c'est drôle, ça on le sait, mais en même temps poétique, c'est du Ramzi, quoi. Ouais, c'est enfin moi. Non mais c'est vrai, c'est magnifique. Vraiment, merci. Je vous encourage à y aller vraiment. Merci, voilà, c'est dans quelques jours maintenant, mais le 6 juillet réservé en plein été, ça vraiment, ça vous fera plaisir. Réservez la journée, je veux dire. Prévoyez d'y aller. Mais laissez rien passer. J'ai l'impression d'avoir fait trois rounds face à Mohamed Ali. Je suis épuisé. Je suis fan de toi, Camille. Je viens à l'antenne, je suis fan de toi. Arrête. Émission de radio que j'ai voulu faire. Bah, t'es un amour. Oui. Bah, merci mille fois. Fan de votre équipe, vraiment. C'est gentil, mon poteau. Et nous, on est très très heureux que tu sois là. Oui, Laure. Non, mais ma grand-mère aussi réserve quand elle va au cinéma. Oui. Bah, voilà, et alors, bah, voilà. Bah, alors. Et là, il va y avoir tellement de monde qu'il vaut mieux prendre les billets maintenant. Bah oui, franchement, c'est plus prudent. C'est plus prudent, les amis. Bah, oui. On t'aide, hein, on fait ce qu'on peut. Tu vois, mais j'apprécie. Bah oui. J'ai un vrai soutien. Les amis, est-ce qu'on paierait pas le dernier loyer? C'est Ramzi qui va le faire, le principe est simple. Je rêve de faire ça, d'annoncer une nouvelle comme ça. Et c'est maintenant. Tous les gens s'inscrivent depuis une heure. On a déjà eu trois tirage au sort et depuis une heure, loyer au 7-12-13. Une machine tire au sort parmi tous ces SMS. Tac, tac, tac. On rappelle en direct. Le principe est simple. Tu demandes quelle est la seule radio qui paye votre loyer. La personne répond Virgin Radio. Boum, loyer. Quelle est la seule radio qui paye votre loyer? Ouais. C'est facile, hein. Oui, Laure. Faut juste bien préciser qu'il faut pas qu'ils raccrochent. S'ils raccrochent, c'est fichu. Donc il faut vraiment les tenir. Il faut les tenir en haleine, quoi. En haleine. Faut les accrocher, quoi. Voilà. Attends, je comprends pas. Si la personne, tu lui fais peur en lui faisant une blague trop grande et qu'elle raccroche, on n'a pas le droit de la rappeler légalement. Ouais. Mais là, la personne qu'on va appeler, elle sait que. Elle s'est inscrite. Elle sait pas que on la rappelle, là. C'est un tirage au sort. Oui, mais elle s'est inscrite, donc elle se doute que. Il y a plein de gens qui, à ce moment-là, sont réus ou quoi, ne peuvent plus décrocher. Ça rappelle. C'est qui on appelle qui? Je sais pas. Tu demanderas. J'ai dit. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Ramzi, je suis sur Virgin Radio. Ça m'a un peu aidé, je pense. Ah, il fallait pas que je le dise. Normalement, il est censé donner le nom de la radio. Comment ça s'appelle? Je sais toujours pas. C'est quoi ton prénom? Cédric. Emeric, j'ai l'impression que tu sais pourquoi on t'appelle. Cédric. Non. Tu sais pas pourquoi on t'appelle? Si, c'est Virgin. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, quelle est la seule radio que tu écoutes? Il paye ton loyer. Et paye ton loyer. Virgin Radio. C'est gagné. Tu viens de gagner un mois de loyer. Ah oui, j'ai trop fort. Je vois sur ta fiche, c'est Cédric Combal. Je suis très heureux de vous offrir. Bravo Cédric. Ouais, c'est très bien. Voilà, t'es d'où mon pote Cédric? Justine. Lorraine. D'accord, très bien. Et t'as un loyer de combien? 750 euros. Eh ben écoute, tu peux remercier Ramzi et tout Virgin Radio. Alors Virgin Radio, évidemment, il paye. Et Ramzi, grâce à lui, t'as été tiré au sort. Et donc un mois de loyer pour toi, poteau. Bah merci. Tu veux quel mois? Il y a un mois plus dur que les autres, non, mais autant l'arranger vraiment. Ça se trouve, là, il est bien, et c'est plutôt en septembre qu'il sera en galère. Ça fait deux ans qu'on fait ce jeu, on n'a jamais eu cette vanne. Il y a peut-être un mois plus dur que les autres. C'est vrai. Oui, je te sens fort. En plus, Ramzi, je te kiffe, c'est trop bien. Mais je te kiffe aussi, moi, Cédric. Et Cédric, t'es un amour. Ça fait trop plaisir, comme ça, on va pouvoir partir en vacances avec ma petite fille et tout, et puis la copine. Et bien, donc l'appart sera vide et je viendrai pendant ce mois, payé par Virgin, vivre dans ton appart. Et on est très heureux, bon Cédric, tu rajoutes les charges et tout. Hein. Tu nous diras de combien est le loyer et on te fera le chèque dans l'après-midi. D'accord, poteau? C'est cool, merci. C'est super gentil, vous êtes trop fort. Eh ben, je suis très heureux et on t'offre, tu peux réserver dès à présent, des places pour aller voir le film Hibou qui sort le 6 juillet. C'est le premier film de Ramzi et c'est cool. C'est des tartines de kiff. Ouais. D'accord, Otto. C'est trop bien. Eh ben, je suis ravi, mon poteau, tu pourras aller te faire ça pendant l'été. Oui, Laure. N'oublie pas de réserver parce que c'est complet. Bien sûr. Réservez, les amis, réservez. Je voudrais qu'on réapplaudisse très fort notre invité du jour. C'était Ramzy et Dieu sait qu'on en a rarement. J'espère que ça t'a plu. Nous, on ne sait pas comment faire avec les invités, donc j'espère que ça a été. C'est le mieux de toute ma. C'est le mieux de ma vie. La meilleure émission de radio de ma vie. Oh, t'es tellement gentil. Je ne sais pas s'il ne mérite pas une dernière chance. Allez. Une petite dernière. Ouais. Allez, c'est parti. Une de départ. Ouais. Une de départ, allez. Mais une un peu méchante où tu dirais, allez, casse-toi. Okay. Voilà, c'était Ramzy. Maintenant, c'est bon, l'émission, elle est finie. Tu peux rentrer chez toi, même si tu es pour toujours notre ami. Allez, voilà, c'est Ramzy. Maintenant, c'est cette chanson que je sais plus comment finir. Peuvent la bien embêter, mais c'est pas grave. On s'aime aussi. Car c'était Ramzy. C'était Ramzy. C'était Ramzy. C'était Ramzy. Et allez applaudir notre Ramzy, le film Hibou, réservez vos places, c'est le 6 juillet et c'est magnifique. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus, vraiment. Une poésie, une fable. Oui, une fable, on peut dire ça. Oh là là, magnifique. Ramzy qui était notre invité, je vous rappelle qu'on sera de retour demain, sans Ramzy, mais on sera là quand même. On sera heureux vraiment d'être là dès 6h. Des PS4 à gagner, des séjours à Disneyland, des séjours à Center Park, des smartphones. Il va nous aider, Ramzy. Une question de ouf, demain c'est la fête de la musique. Ouais. Et on s'est dit, on le fait de temps en temps, on va vous faire chanter sur notre répondeur 01 84 07 08 09. On compile toutes vos voix et on crée la version Virgin Tonic d'une chanson. Qu'est-ce qu'on pourrait faire chanter aux gens? Tiens, Laure. Moi, j'ai une proposition. Quand la musique est bonne, vu que c'est la fête de la musique. Ah, c'est pas mal. Ah, pas mal. Quand la musique est bonne. Oui, on connaît. Ouais, merci à toi. qu'est-ce que tu verrais chanter, tiens, Ramzy? Je n'ai pas réfléchi à ça. Génial, il me faudrait une bonne heure de réflexion pour donner un vrai titre. Très au sérieux. On revient vers toi sous quinzaine. Avec plaisir, merci. Merci, on te manque copie. Oui, Clément. Moi, Dieu m'a donné la foi. Ah oh ouais. Ah, c'est quand même pas mal, c'est péchu. J'allais dire scooter, garçon, si t'enlèves la cédille. Ah ouais. Pour la fin d'année, non. Ah non, Pauline, le standard. Moi, j'ai sous les sunlight des tropiques, parce que c'est l'été quand même. Parce que t'es black. À l'ancienne, quand même. Oui. Ah, pour l'instant, c'est l'or qui gagne. Ouais. En moderne, un peu Kyo ou un truc comme ça. À moderne, pas mal, mais quand la musique est bonne. Ouais, on va faire ça. Hein? Ça te va, Ramzy? Tout me va avec vous. Ça va. Ce sera sur Jean-Jacques Goldman quand la musique est bonne. Vous pouvez changer les paroles et tout. Hein. On met tout, on vous fera une version spéciale Virgin Tonic. Les amis, on se retrouve demain. On est maintenant. Demain, on sera à 3 jours de la toute dernière, la Virgin Pool Party. Vous pouvez vous inscrire sur Facebook. Des tirages au sort tout le matin. On va inviter 300 personnes de toute la France à venir faire la fête avec nous et avec Koums, qui sera notre invité, le DJ d'Aix-en-Provence, comme moi. Donc, on passera une très belle matinée. À demain, tout le monde. 6h. Merci encore à Ramzy. Salut, ciao. Ah, c'est Pierre-Alex. J'ai oublié de présenter Pierre-Alex. Pierre-Alex qui va vous accompagner maintenant jusqu'à midi. Salut, Ramzy. Salut, Pierre-Alex. Vous allez à la même salle de sport, non? T'as vu un peu? Vous connaissiez, oui, Clément? Non, je vais juste dire, pour ceux qu'on loupait l'émission, il y a un podcast. Vous pouvez retrouver à 9h, il y avait une info sur un perroquet qui est complètement. Ah, elle est géniale. Et qu'il faut vraiment pas louper. J'en ai encore des frissons. Vous étiez pas avec nous, j'ai mis tout mon cœur dans cette info et j'ai pris le four. Alors vraiment, rien, complètement à côté. Tu prépares quoi, Pierre-Alex, jusqu'à midi? Ce matin, attention, dernière place pour Electrochoc. Hein. Ah, il faut réserver. De Kungs, il sera aussi Electrochoc jeudi soir à Lyon. Il reste quelques places, à peine une dizaine de places et on vous les offre ce matin. Eh bah, très bien, on est ravis, on va te suivre jusqu'à midi, mon Pierre-Alex. C'est parti, encore une belle matinée avec vous et vraiment, c'est notre dernière semaine, on va kiffer, je peux vous le dire. 6h, 9h30 chaque matin. Ciao! Ciao! Au revoir! Et ouais, c'est bien. Vous allez l'entendre partout, mais la première radio qui vous l'a joué, c'est Virgin Radio. Me demande pas pourquoi je tremble quand t'es là. Si je t'évite et que je tangue, c'est à cause de moi. Maintenant je vois l'amour comme une guerre, j'ai trop souvent fini à l'eau. Comme un con au milieu de la mer ou de la bataille de Waterloo. Tu me dis qu'avec toi, ça ne sera jamais pareil. Qu'il faut savourer l'inconnu. Je voudrais tellement croire à cette foutue ritournelle. Me laisser prendre au dépourvu, je ne peux plus. No, I don't wanna fall in love. I don't wanna fall for you. Don't wanna fall in love.